Auditrice, amis auditeurs, bonsoir. Eh bien oui, vous pouvez vérifier, vous êtes bien à l'écoute de RGM, c'est-à-dire Radio Guémozo, qui s'appelait Radio Trédunion au début. Et puis comme on a déménagé le chemin du Guémozo, on a changé le nom de la radio, on l'appelait Radio Guémozo, puis on a changé de local deux fois depuis, et on n'a plus voulu changer de nom, on a dit, bon allez, on garde Radio Guémozo. Voilà, donc Radio Guémozo, 107 MHz, ou... sur le net, hein, vous tapez Radio Guémozo et vous pouvez nous écouter en direct ou en différé. Voilà. Alors ce soir, bien c'est le calendrier, hein, le calendrier du 26-8-19. Hein, et oui, le mois de juin est déjà bientôt terminé. Une année qui est à peine entamée, elle est déjà presque finie. Hein, et oui, le temps passe. Hein, ben oui. Alors voilà. Donc ce soir, eh bien au programme Le Média, évasion fiscale, des révélations par quelqu'un qui avait été recruté et formé spécialement pour ça, par la DGSE, pour savoir comment ça se passe, l'évasion fiscale. Hein. Ensuite, le média, encore le média, bah oui, le média, c'est comme Radio Guémozo, c'est une radio, qui est une radio libre. Le média est une télévision libre. Vous mettez sur Internet, vous tapez le média et vous aurez la marche à suivre. Et vous pourrez écouter, un certain nombre d'émissions directement, hein, et sans passer par RGM, parce que en passant par RGM, faut attendre un petit peu, hein, que je les enregistre, que voilà, qu'on monte l'émission, et puis bon. Donc le média PDG DRH, les véritables parasites. Les véritables parasites, ceux qui parasitent la société, ceux qui vivent bien de la marge du travail de la société et qui ne contribuent pas beaucoup ou pas du tout ou très mal à la bonne marge de la société. Hein. Voilà. Ensuite, eh bien, il y aura quelques minutes sur les mineurs du 19e siècle. Ensuite, la police ne sert pas d'abord à appliquer la loi, hein, quels que soient les régimes, quelles que soient les périodes. La police, elle sert surtout à conforter le régime en place, disons, hein, voilà, à lui permettre de durer, de perdurer quelque temps. Hein. Bon, Pierre Dac, candidat mou à l'élection présidentielle. Alors le mou, c'est le MOU. C'était un parti qui avait été fondé par Pierre Dac, un parti pour rire, bien entendu, hein, parce que Pierre Dac ne faisait pas de politique sérieusement. Il en a fait sérieusement quand il était chroniqueur à Radio Londres, hein, entre 1940 et 1944-45. Hein, autrement, Pierre Dac, non, lui, c'est ce qui l'intéresse, la loufoquerie. Mais la loufoquerie, l'humour utilisé quand même dans un but constructif. Oui, oui, de faire rire, ça fait du bien, mais ça fait aussi réfléchir en même temps. Hein. Donc, on peut avoir l'utile et l'agréable en même temps avec l'humour, c'est ça qui est bien. Alors, voilà. Ensuite, ben, Pierre Dac, oui, le mou. Alors, mouvement ondulatoire unifié. Mouvement ondulatoire unifié. Et, bon, c'est un parti qui n'a pas duré très très longtemps, hein, qui n'a rien cassé aux élections, bien entendu, puisque c'était un parti lancé par Pierre Dac. Un parti humoristique. Alexis Corbière dénonce le grand show du gouvernement. Hein, et puis voilà, donc je vous souhaite une fois encore une bonne soirée et une fois encore une très bonne nuit. Le calendrier des esclavages et des libérations. Aujourd'hui, 26 août, que s'est-il passé? Eh bien, le 26 août 1789, par exemple, en France, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité publique. Fermons les guillemets. C'était en 1789. Tous les hommes sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres, dit, fait remarquer un tel. Bon, ouais. 1896, Philippines. Cri de Pugad Lavin. Les Katipuneras, membres de l'Association honorable et suprême des fils du peuple, brûlent leur carte d'identité pour signifier leur détermination de libérer les Philippines des colonisateurs espagnols. L'Espagne enverra des troupes qui écraseront l'insurrection au bout de 52 jours. 1920, USA. Modification de la Constitution. La discrimination des sexes concernant le droit de vote est supprimée. Les femmes peuvent aussi aller aux urnes. 1944, France. À Paris a lieu la plus massive et la plus spontanée manifestation de l'histoire de France. Sans y être invité, 2 millions de personnes convergent vers les Champs-Élysées où le général de Gaulle doit déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. 1974, Italie. Des centaines de milliers de personnes participent à une lutte originale pour s'opposer à l'augmentation des prix des transports et de l'électricité. Ils pratiquent l'auto-réduction. 1976, Sahara occidental. Le troisième congrès du Front Polisario débouche sur la proclamation d'une constitution, d'un programme national d'action et d'un manifeste de solidarité avec les autres peuples en lutte. 1973, Namibie. L'Assemblée générale de l'ONU déclare que ce jour sera le jour de la Namibie jusqu'à l'indépendance du pays. Ce même jour, 7 ans auparavant, 1966, la lutte de libération du peuple namibien avait commencé officiellement. 1981, Haïti. Silvio Claude, président du Parti démocrate chrétien, et 20 autres membres de son parti sont condamnés à 15 ans de réclusion. Une étape de plus dans le durcissement du régime de Jean-Claude Duvalier. 1982, Afrique. Pour la première fois, une voix se lève à l'ONU pour protester contre la violation des droits de l'homme, autre que l'apartheid, en Afrique. Les professeurs Nchema, Guinée équatoriale, fait le lien entre les 5 millions réfugiés africains et la violation des droits de l'homme par les dirigeants de son continent. 1982, Argentine. Publication du nouveau statut des partis par les autorités militaires. La vie politique normale va-t-elle pouvoir reprendre ? Maxime Renaï, tu es mon premier agent secret. C'est-à-dire, c'est la première fois que je rencontre un agent de la DGSE en vrai. Parce que, en fait, ce livre est un drôle de livre. Parce que c'est à la fois une enquête relativement classique sur les paradis fiscaux, enfin, avec des montages financiers, etc. Mais ce serait que ça, ce serait pas formidablement intéressant. Et ça serait pas un formidable livre. Ce que j'ai trouvé vraiment bien dans le livre, c'est toute cette humanité que tu y mets. Et puis, ta vie, quoi. C'est quand même une sacrée aventure. Donc, t'es quelqu'un qui bosse dans la finance, on va dire. Après, on rentrera dans les détails. Et un jour, t'en as marre, tu prends ton téléphone et t'appelles la DGSE. Et tu te dis, bon, les gars, voilà, je bosse dans la finance. J'ai plein de secrets et j'ai envie de bosser pour vous. Voilà. Alors, les mecs, évidemment, ils ont un doute, quoi. Et puis, tu les rencontres. et puis commence à se nouer une relation absolument incroyable. Donc on rentre, ça devient aussi un livre sur la DGSE, sur la France, parce qu'on essaie de comprendre mais quelle intention ont ces types avec toi, enfin, etc. Donc là, c'est assez passionnant. Principalement, le livre, sur une première partie, est sur Jersey, et la seconde partie, c'est le Luxembourg. Mais sur Jersey, tu racontes ta vie à Jersey où tu... Excuse-moi, hein, je vais être un peu vulgaire, mais t'arrêtes pas de baiser, tu rencontres plein de nanas, tu joues au poker, enfin, et en fait, t'as une parfaite double vie, quoi, puisque toutes ces nanas te racontent leurs histoires, les mecs avec qui tu joues au poker se lâchent, et ça te permet de récupérer des tas d'infos, quoi. Donc, je comprends qu'à un moment donné, tu pètes un cap. Je suis un peu long dans mon introduction, mais le livre est tellement foisonnant de tout ça qu'on tourne les pages, on se dit, putain, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi. À la fin, c'est un peu plus calme. Il y a aussi comme un profond malaise dans tout ça. C'est-à-dire qu'on se dit que tu décides de devenir agent secret parce que tu vis mal ta vie de financier, quoi. Et puis, à la fin du livre, on se dit que tu peux plus être agent secret parce que même tu fais une psychanalyse, enfin, etc. Parce que dans ta tête, il se passe quelque chose. Enfin, t'es tout le temps entre les deux, quoi. Et donc, il y a quelque chose d'assez douloureux dans tout ça. Oui, alors il y a une recherche, oui, il y a effectivement une recherche qui s'est faite pendant plusieurs années. Déjà, je dirais, il y a une frustration quand je suis rentré dans le monde de la finance par une toute petite porte. Je rentre toujours dans les endroits par la petite porte, en fait, c'est un peu ma marque de fabrique. Et je suis rentré dans la finance par hasard. À l'origine, j'étais allé en Angleterre pour apprendre l'anglais. Je m'étais dit, je vais à Bristol. Je vais me fondre dans la culture anglaise. Et puis, j'ai rencontré des gens. Là, en fait, c'est une femme que j'ai rencontrée, une avocate, qui m'a dit un jour, est-ce que tu voudrais travailler dans les paradis fiscaux ? Moi, je savais absolument pas ce que ça voulait dire. Enfin, j'avais une très vague idée. Mais pour moi, ça résonnait comme un monde du secret. Intuitivement, je me suis dit, il y a quelque chose à aller découvrir là-bas. C'est un monde de l'opacité, du secret, peut-être même d'un peu de l'interdit. Je sais pas, il y avait un drôle de parfum. Donc, je me suis dit, je vais y aller pour aller voir. Et c'est l'envie de découvrir le secret et l'intuition qui m'ont poussé sur Jersey. Quand tu rentres par la petite porte, tu faisais quoi c'était quoi ton job dans une banque? T'étais trader? Quand je suis rentré à Jersey, on m'a formé, je ne savais rien. J'ai travaillé comme secrétaire pour des cabinets d'avocats, j'ai été serveur dans des cafés, j'ai vraiment fait tous les petits boulots. Je suis personne. Et t'avais quoi comme diplôme? Alors j'ai fait une licence en droit et j'ai aussi, comme le droit ne m'intéressait pas, j'ai fait ensuite une formation en hôtellerie de luxe. Donc tu peux faire des cocktails, tu peux... En fait, et je trouve que ce qui m'a le plus servi, c'est la formation de l'hôtellerie, parce que quand tu es dans l'hôtellerie, tu es obligé de devenir invisible et de servir les autres. Et donc, c'était une excellente école, d'une certaine façon, pour rentrer dans Jersey et pour écouter les très riches. Et... Comment tu pourrais décrire Jersey, sa spécificité, Alors le fait que ça soit une île et que ça soit un endroit extrêmement riche, les gens n'ont pas l'impression que les secrets qui font la richesse de l'île peuvent s'échapper de l'île. Donc c'est un endroit très fermé avec énormément de secrets qui filtre en permanence. Et les Jerséens sont très sociables et ça c'est un très bon point. Puis c'est un monde aussi avec des trois castes un petit peu différentes, si tu veux. Il y a les gens comme moi tout en bas de l'échelle. Ensuite, il y a les gens un peu plus riches qui travaillent dans la finance à un certain degré un peu plus haut. Et puis ensuite, tu as vraiment les high class, quoi. Les high class, voilà. Mmh. Par exemple, ceux que je fréquentais, ils avaient certains des fortunes de 900 millions de pounds. Je pense à la famille Hamilton. Tu as des phrases sur Jersey qui sont... Il y a un moment, j'ai noté, page 72... Tu dis, à Jersey, les femmes préfèrent leur chien à leur mari. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une expression que j'ai apprise un jour quand j'étais avec des femmes qui étaient un concours hippique. J'étais le seul homme parmi elles, des femmes très très riches. Et elles m'ont dit, Max, nous, à Jersey, les femmes préfèrent les chiens à leur mari. Alors, tu brosses le portrait d'une de tes maîtresses qui est d'une dame. À un moment, tu es très dur avec elle parce que tu parles d'un masque morbide, quoi. Tu dis qu'elle a un visage, qu'il y a quelque chose. Elle fait de la chirurgie esthétique, etc. Elle est double, quoi. Mais tu sens qu'il y a cette femme, enfin, elle s'ennuie, quoi. Elle est riche à crever, visiblement. Oui, oui. Et elle est quelque chose. Cet argent lui sert plus à rien, quoi. Sur cette île, elle a plus rien à prouver. Enfin, donc tu es un peu son gigolo, quoi. Enfin, excuse-moi, mais non, c'est un peu ça. Bah, disons qu'elle m'a pas donné d'argent. Je n'en ai pas demandé, mais donc gigolo, non. Disons que c'est une femme qui a 15 ans de plus que moi, que je trouvais extrêmement belle, intéressante par... Oui, elle a l'air ça, mais en même temps... Et sur d'autres côtés, pour elle, il n'y avait que l'argent. Donc c'est aussi pour cette raison que la relation s'est terminée. Et peut-être qu'effectivement, j'étais un peu dur. Je sais que ça a choqué certaines personnes. que je parle un petit peu de ce masque mortuaire. En fait, on n'en parle peut-être pas forcément, mais donc moi, je suis sorti avec cette femme qui a été refaite au niveau du visage. Mmh. Et quand il n'y a plus le maquillage et que vous levez le matin ou vous êtes dans la pénombre avec, bah, en fait, vous avez l'impression que c'est un peu, désolé de le dire, mais un peu une personne morte, quoi. Mmh. Vous avez les traits qui sont tirés. C'est pas très normal. Mmh. Donc, il y a quelque chose de mort aussi, je voulais montrer, chez ces riches, si tu veux, ils ont tout. Ça passe très bien dans le livre. Ouais. Parce qu'après, on va pas en faire des tartines sur tout ça, mais en même temps, le fait de décrire ça, d'abord, tu racontes une histoire, quoi, et ça permet de rentrer après dans les histoires financières, quoi. Alors, Jersey, alors, c'est une île où, toi, tu travaillais dans, tu l'appelles General Partner, mais j'imagine que c'est, ça s'appelait, enfin, t'étais dans une boîte. Ouais. C'était quoi la fonction de cette boîte et en quoi ça permettait la fraude? Donc en fait, moi, j'étais dans le plus gros cabinet de l'île d'avocats qui s'appelait Mourant Limited. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Et maintenant, ça s'appelle Mourant Ozanne. Et à l'intérieur, on là, a... Tu donnes le vrai nom, là. Oui, c'est le vrai nom. D'ailleurs, ils savent très bien que le livre est sorti. Et en fait, dedans, dans ce cabinet d'avocats, il y a un département qui s'appelle la fiduciaire, dans lequel on administrait énormément de sociétés. Moi, j'étais dans un autre sous-département qui administrait des fonds d'investissement. Alors, plus spécifiquement, des fonds de private equity. Oui. Et mon portefeuille, c'était principalement des francophones, donc belges, français, aussi des fois des joint ventures franco-américaines, des choses comme ça. La plupart de nos investissements pour les clients étaient en France ou en Europe. Et la structure, entre guillemets, de décision, parce que ce n'était pas le cas, était à Jersey pour ne pas payer d'impôts. Voilà. Et comment ça se passe avec la DGSE, tes premiers rapports, les listes de commissions qu'ils te donnent et tout ça? Alors, en fait, il y a une relation qui s'est... J'ai travaillé avec eux pendant 5 ans, qui s'est vraiment densifiée avec le temps, qui s'est complexifiée. Il y a eu vraiment de la camaraderie avec mes officiers traitants. Il y a eu beaucoup de confiance qui s'est développée. Au départ, donc, je les contacte, c'est un peu presque grotesque, hein, par téléphone, j'arrive pas à trouver un moyen de les contacter, je passe par les états-majors, on met en relation avec eux. Et au départ, quand je les rencontre la première fois à Paris, j'apprends qu'ils ont fait une enquête sur moi, ils veulent savoir quelles sont mes intentions, quel est mon profil. L'officier traitant, le premier officier traitant que je rencontre, qui va devenir mon officier traitant pendant un peu plus d'un an, un an et demi, évalue tout de suite les informations que je lui donne. Et ensuite, une fois qu'ils les ont analysées, quelques semaines plus tard, ils m'ont dit « bon, bah, banco, on va commencer à travailler avec toi ». Et il y a eu 3 axes de travail. Il y a eu effectivement, comme tu le dis, la liste de courses, qu'ils appellent la liste de courses, donc des listes extrêmement précises techniquement, des demandes très précises sur des multinationales étrangères ou françaises même, sur des milliardaires russes par exemple, sur des possibles contrats d'armement anglais, des choses comme ça. Donc ça, c'est extrêmement précis. Et puis de l'autre côté, j'avais le deuxième axe, c'était... la carte blanche, donc c'était essayer de collecter le maximum d'informations, parce qu'on oublie, ça c'est avec le problème d'Hollywood, on croit que les services secrets connaissent tout, savent tout, et non, les services secrets, même s'ils ont des moyens incroyables, qui peuvent collecter à distance en faisant du hacking des milliards de données sur des serveurs, après il faut les analyser. Et ce que tu dis d'ailleurs, c'est que les Français, disons au début des années 2000, sont plutôt très mauvais. Ils n'ont pas une culture financière, enfin d'espionnage, etc. Oui. À contrario des Anglo-Saxons, oui, qui sont beaucoup plus forts, quoi. Oui. Et donc, mais t'as quand même vu évoluer ça, quoi. Il y a une grosse évolution. Je l'ai vu de 2007, quand j'ai commencé à travailler avec eux, jusqu'à 2012. J'ai vu même qu'ils ont eu plus de recrutement, parce que j'avais des échos, des officiers traitants qui me laissaient filer des informations. J'ai compris que leurs analyses étaient de plus en plus poussées aussi. Je voyais dans la liste de courses qu'elles se complexifiaient de mois en mois. Alors, je pense pas que c'était uniquement parce que la relation se densifiait avec eux. Je pense que leur département se complexifiait en parallèle également. Tu remarques à un moment donné que même la vie à Jersey, puis après au Luxembourg, avec les pressions médiatiques autour de ces questions de fiscalité ou d'évasion de capitaux, puis après la crise des subprimes, etc., tu dis que ça se bunkérise, quoi. Les gens commencent à devenir méfiants. Ouais. Alors qu'au début, c'était royal, tu allais dans un truc, tu faisais ta photocopie. Exactement. Au début, c'était vraiment, c'est hallucinant, c'est un côté totalement amateur. À la bonne franquette, on est en famille, t'arrives, tu vas au deuxième étage du plus gros cabinet d'avocats, il y a 500 personnes qui y bossent, ils savent pas qui t'es. Donc tu vas dans les classeurs, tu regardes, personne t'embête. Et au fur et à mesure, il y a même eu aussi beaucoup d'attaques électroniques, donc du hacking, donc Au départ, il n'y avait pas de gens pour la sécurité dans les structures. Tout d'un coup, il y a eu des gens qui sont venus commencer à protéger les infrastructures, les serveurs. Donc, en 5 ans, ça s'est accéléré à une vitesse folle. Après, on ne pouvait plus rentrer dans les bureaux comme avant. Il fallait un pass. Enfin, tout était... Alors, dès le départ, ton officier traitant, là, il n'est pas vraiment intéressé par l'évasion fiscale. Non, oui, c'est ce qu'il me dit. Il a très peur, d'ailleurs. Les premières fois que je le vois, enfin surtout la première fois, il me dit « La DGSE, en fait, par expérience, n'aime pas beaucoup les journalistes. » Et ils craignent que t'en sois un petit peu ou quoi? Ils craignent... Ils me disent tout de suite, le premier officier traitant me dit « Les affaires franco-françaises ne nous intéressent pas. » Et à l'époque, d'ailleurs, ils me parlent de Clearstream. Donc, ça les avait vraiment échaudés. Et il y a un truc aussi, c'est une des infos qui m'a les plus intéressé dans le bouquin, c'est qu'ils ont une grande méfiance sur la solidité des banques, oui. À commencer par les banques françaises. Oui. Et ça, c'est terrible. Oui. Ça, c'était... j'ai gardé cette liste de courses parce que, pour moi, elle est restée énigmatique. C'était la plus complexe, la plus dure. T'es à Jersey, là, ou t'es au Luxembourg ? Sur Luxembourg. Oui. Et je n'ai pas réussi à remplir toutes les demandes de cette liste. Donc, je l'ai gardée un peu comme une sorte d'anti-trophée, si tu veux. Et la question, moi, que j'ai eue quand j'ai reçu cette liste de courses, c'est me dire, mais comment ça se fait que... Les entités, les agences de l'État, de la régulation financière, c'est-à-dire l'AMF et la CPR, ne sont pas en mesure, apparemment d'après la liste de la DGSE, de pouvoir dire quels sont les véritables fonds de solvabilité, fonds propres des banques, c'est-à-dire en fait les réserves que doivent avoir les banques et les assurances. Donc la DGSE, donc un bras de l'État, me demande, Maxime, est-ce que tu peux nous confirmer que nos banques et nos assurances ne trichent pas et qu'elles passent pas par les paradis fiscaux pour mentir sur leurs fonds propres et les fonds de solvabilité. Moi, ça m'a mis évidemment la puce à l'oreille et je me suis rendu compte que leurs questions étaient absolument légitimes et que les banques françaises trichaient et les assurances françaises également sur ces fonds propres. Tu peux nous dire quelles banques sont les plus fragilisées, qu'est-ce que tu as pu découvrir sur cette hiérarchie offshore, en tout cas dans les banques françaises? Je dirais, sans rentrer dans le détail, ils ont tous leurs recettes. Ils ont tous une recette pour frauder les fonds propres. Et d'ailleurs, maintenant, même les plus grands experts dans le monde s'accordent pour dire que la grande majorité des banques trichent sur les fonds de solvabilité et les fonds propres. Et ils passent en grande partie... Tu peux expliquer ça pour les gens ne savent pas, oui. Solvabilité, fonds propres, ce que c'est propres, pour une... En fait, disons qu'il y a un pourcentage, en général, c'est 8% de l'argent que vous donnez aux banques qui doit être mis de côté au cas où il y a des problèmes, qu'il y a une crise financière pour pouvoir leur donner le cas échéant. Donc c'est de l'argent en cash qu'on ne doit pas toucher. Et ces 8%, en réalité, en passant par les paradis fiscaux, sont utilisés pour des investissements, ce qui est interdit par la loi. En fait, la DGSE, les services secrets, donc le plus haut niveau de l'État, cherche en permanence à savoir si on n'est pas à l'aube d'une catastrophe, quoi. C'est un peu ça. Et toi, t'es la petite souris dans cet univers-là, et tu dois déterminer est-ce qu'on est sûr que BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole ou autre, et peut-être des banques étrangères, oui, aussi, où ils en Deutsche sont, Bank, quoi. Parce qu'il y a Deutsche Bank, on est souvent les banques italiennes, on peut dire qu'il y a 32 ou 33 banques systémiques dans le monde. Et alors là, c'est un avis que je te demande. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi qui as vécu dans ces deux paradis fiscaux? Est-ce qu'on est en permanence à l'aube d'une crise? Est-ce que les banques ont raison, le degré de confiance d'une banque à l'autre? Enfin, comment ça s'opère dans le détail? C'est un peu terrible à dire, mais il y a une grosse part psychologique. De psychologie, c'est-à-dire chacun se tient par la barbichette. Et tant que tout le monde joue un peu le jeu, le système se tient, si tu veux. Mais effectivement, bon, moi je suis pas Nostradamus, je peux pas te dire s'il y aura une crise, quand est-ce qu'elle aura lieu, mais j'étais extrêmement surpris de voir à quel point le système était fragile. Moi, c'est ça qui m'a énormément surpris, que derrière ces grandes façades de bâtiments très riches, tout neufs, au Luxembourg, à Jersey, c'était extrêmement mal organisé, la finance extrêmement mal organisée, très très mal régulée. Ah non, mais il est flippant ton livre pour ça, quoi. Ouais. Et excuse-moi, je te coupe, mais il y a un moment, moi, j'ai découvert le logiciel Investran, Itex aussi. Oui. Et en fait, on se rend compte que ces tricheurs, en fait, ont des outils, oui, qui sont quasi indécelables. Quand même n'importe quel contrôle serait opéré dans ces cabinets ou dans ces banques, grâce à ces logiciels effaceurs, comment ça fonctionne? Bah, par exemple, disons qu'il y a un client français qui va monter un fonds d'investissement à Jersey ou Luxembourg. Là, je donne des exemples d'ailleurs dans le livre, il va utiliser la plateforme Itex, il va voir la comptabilité du fonds qui est basé à Jersey, il va y avoir accès, Il va pouvoir envoyer des mails qui vont être cryptés, qu'on ne pourra pas déceler. En fait, c'est une plateforme, si tu veux, secrète. C'est-à-dire, s'il y a une descente du fisc chez eux, le fisc ne pourra rien prendre sur les disques durs. Il n'y aura rien sur les disques durs. En fait, les paradis fiscaux s'organisent de plus en plus, y compris, on voit que le Luxembourg, et ce n'est pas un hasard, développe énormément les hubs avec les serveurs. Pourquoi ? Parce que toutes les infos bancaires qui sont à Jersey sont transposées à Jersey au Luxembourg pour que le fisc ne puisse pas y avoir accès. Oui. Tu dis d'ailleurs, il y a une phrase où tu dis, ces types, les types qui bossent dans ces cabinets, enfin où tu travaillais, passent leur temps à créer des illusions, des simulations d'activité. Oui. Et en fait, c'est que des coquilles vides. Donc leur boulot, ça consiste à fabriquer de la substance qu'on appelle nous de la substance. Nous, on nous donnait des cours dans la boîte où j'étais en disant. Il faut que vous criez de la substance pour faire croire que le fonds est administré depuis Jersey, ce qui n'était pas vrai, puisque les décisions avaient lieu en France, et absolument pas depuis Jersey. Donc quoi, le job d'un job comme le tien ou comme d'autres là-bas, c'était de fabriquer en permanence des leurres, des illusions, etc., ouais. Au cas où il y a un contrôle. Parce que, ouais. En fait, même dans ces paradis fiscaux-là, qui sont quand même super protégés, je pense à Jersey ou à Guernsey ou ouais. des îles anglo-normandes, les types craignent quand même un petit peu quelque chose. Toujours un petit peu, oui, toujours. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Alors, et puis aussi, tu balances des noms. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu t'attaques aux médias français, quoi. Mmh. À BFM, à RMC, et tu cites un nom, Alain Blanc-Rude. Ouais. Et tu expliques qu'en fait, les gains de ces télévisions, de ces médias, tout ce qu'ils gagnent en publicité quand on les regarde, etc., en fait, ça passe par Jersey. Mmh. Ça, est-ce que tu peux expliquer? Il y a du blanchiment derrière, enfin, c'est une accusation grave, il y a pas de. Ah, c'est pas une accusation grave, c'est la réalité, c'est oui, à non, dire mais que... je veux dire. Est-ce qu'il n'y a pas d'instruction judiciaire pour l'instant là-dessus ? Non, pas que je sache. Et tu n'as pas été poursuivi en diffamation ? Pas pour le moment, il y a encore 2 mois. Donc ça veut dire que BFM ou tous ces types qui nous font la morale, ouais. Ces éditorialistes, je pense qu'il y a même des gens que j'aime bien. Je pense à un type comme Bourdin, par exemple, sur RMC, ouais. Quand il fustige... J'ai envie de dire qu'il faudrait qu'il balaye devant sa porte pour commencer, en fait. Ouais, mais alors explique-nous ça, quoi. L'actionnariat est offshore. De ces médias, l'argent remonte offshore, ça se résume uniquement à ça. Donc pour moi, il y a un problème quand certains journalistes apparaissent comme des sortes de justiciers. Moi, j'en suis absolument pas un. C'est ce que j'ai envie de dire pour Bourdin. Bon, il faut déjà qu'il regarde là où il travaille, je trouve ça assez marrant. Et puis après aussi, je donne l'exemple du milliardaire français Christian Latouche, qui a plusieurs médias, Lyon Mag, Lanceur.fr, ou aussi Sud Radio, qui soutient énormément les Gilets jaunes, etc. J'ai envie de dire, moi je soutiens les Gilets jaunes pour leur lutte pour une justice fiscale, mais j'ai envie de dire, c'est pareil les gars, si vous voulez une justice fiscale, commencez déjà à le faire avec Sud Radio et avec votre holding. Chez voilà. J'ai vu ça, alors c'est paradoxal, parce qu'effectivement, moi je connais bien Lyon Capital, ces journalistes et tout, c'est des gens qui travaillent vraiment très bien, qui sortent plein d'affaires, etc. Et c'est vrai que quand moi j'étais surpris de lire ça sur Fiducial, quoi, qui en fait c'est des, ils sont où, c'est quoi leur offshore? Au Luxembourg, au Delaware, ils sont le Christian Latouche aussi à Malte, il est aussi près de l'Espagne là, comment ça s'appelle, j'appuie sur, enfin il est vraiment t'as pas eu de retour de leur part? Non mais là j'ai énormément d'infos, j'ai pas tout mis dans le livre, j'ai vraiment sous le coude. C'est ce qu'il faut faire généralement, ouais, parce que quand les plaintes arrivent, il faut être je passe tout de suite à une question qui me turlupine depuis que je te rencontrais. La DGS, est-ce que tu as un retour? Parce que j'ai eu un petit retour de la part de Jean Guinel, le grand monsieur de défense, du renseignement. On était à l'IB, on était ensemble. Salut Jean. Et en fait, je le voyais, je l'ai vu un mardi ou mercredi soir, et il rencontrait des gens de la DGSE le midi. Et ils ont juste dit, on veut pas faire de commentaires ou rien du tout. Donc ça l'a fait un peu rire. Thank you. Non, mais ce qui est très étonnant, c'est que dans tes rapports avec eux, t'es vraiment une énigme pour eux, quoi. Parce que jamais tu leur demandes un centime, mais t'as jamais été. Tu t'as fait gagner à la France, on va dire, un paquet de pognon, quand même. Je sais pas. Mais tu sais pas, mais quand même, tu imagines que les renseignements que t'as donnés sur des magouilles et tout ça, ça a servi, quoi. Et eux, d'ailleurs, eux, ils te remboursent en liquide les données. Ils m'ont remboursé, ce qu'ils m'ont remboursé, c'était les déplacements quand je venais les voir pour le débrief. Donc non, j'ai pas été payé. Je n'ai pas voulu d'argent, je n'ai pas voulu une médaille, c'est encore plus ridicule que l'argent. Et puis, il m'avait proposé à un moment donné, quand j'étais à Jersey, de me placer dans la Banque européenne d'investissement. J'aurais été sûrement un bon job à dormir derrière un bureau et j'ai refusé aussi. Oui, j'ai vu ça. D'ailleurs, c'est très étonnant ton parcours parce que tu as une sorte de comment dire, de rigueur, de une sorte de un idéal de vie qui met pas du tout l'argent ni les honneurs au premier plan, quoi. Tu es à la recherche de quelque chose d'assez, une sorte de spiritualité ou de tu veux pouvoir te regarder dans une glace, tu veux aider les autres, enfin c'est des motivations assez basiques et complètement saines, quoi. Et pour ces gens de la DGSE, c'est ils t'ont proposé de te payer ou jamais? Ils m'ont proposé, je dirais que la façon de me payer, c'était surtout le poste qui aurait été bien payé dans la Banque européenne. Et parce qu'à aucun moment, quand tu donnes des renseignements, ils te disent... Moi, ça a été clair dès le départ, je leur ai dit, je sais plus si c'est la première ou la seconde rencontre, j'aurais dit, je veux pas être payé, je le fais par patriotisme. Alors, pas le patriotisme négatif comme on pourrait le croire, mais vraiment aider mes concitoyens, ni plus ni moins. Et alors à un moment, je suis toujours sur Jersey, ça m'a fait... T'as quatre copines polonaises qui sont dans un appartement, qui bossent dans la banque, elles te sortent des infos, elles aussi. Énormément, oui. En fait, j'avais différents réseaux d'amitié, déjà des gens dans des professions complètement différentes. Par exemple, j'avais énormément d'amis chez les avocats dans le second cabinet d'avocats de Lille qui s'appelle Logique, qui est énorme. Là, je connaissais je ne vais pas dire la plupart, mais beaucoup des avocats. Donc, j'avais beaucoup d'informations de la part des avocats. Il faut savoir que dans les paradis fiscaux, c'est pas les banquiers qui mènent la danse, c'est les avocats. Donc, si vous êtes avec les avocats, vous avez à peu près la quasi-totalité des affaires qui arrivent sur l'île ou, enfin, dans les paradis fiscaux. Je fréquentais d'autres personnes comme les auditeurs, PwC, KPMG, etc. Donc, toutes ces personnes centrales, je les rencontrais. Et en même temps, il faut savoir que les paradis fiscaux, c'est plein de gens d'expatriés. Je rencontrais des gens, des Portugais, des Polonais, des Anglo-Saxons, les Australiens, des Néo-Zélandais. Il faut savoir que les expats donnent énormément d'informations. Ils sont loin de chez eux. Un Néo-Zélandais, il est à l'autre bout de la planète, donc il va te filer plein de trucs, quoi. Et alors, justement, en cette période de gilets jaunes, où M. Macron nous dit qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, etc., que tout est dur pour tout le monde, il y a des mecs pour qui c'est pas vraiment dur, puisque tu parles de Worms là, qui oublie $1 million sur un compte, quoi. Enfin, là, tu bosses à State Street là, à ce moment-là ou quoi? Alors là, c'est toujours mourant. Oui, mais qui est racheté par la banque américaine. Ensuite, mon département est racheté par la banque américaine State Street. Et ensuite, donc, je pars travailler pour State Street au Luxembourg. Et donc là, comment un mec peut oublier? Tu peux raconter l'anecdote sur le $1 million? Alors oui, c'était un jour, il y avait un de mes collègues qui était dans mon équipe. On fait ce qu'on appelle une réconciliation bancaire pour savoir où sont l'actif de nos clients, ce qu'on fait toutes les semaines. Le client, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'argent, $1 million qui était placé à Hong Kong et dont on n'avait plus connaissance depuis très longtemps. Je ne sais plus, c'était un an ou un an et demi. En fait, pour moi, j'ai voulu parler de cette anecdote parce qu'elle montre tout le paradoxe de certains gens très riches qui font tout pour faire de l'évasion fiscale. Et qui finissent par perdre la piste de leur argent dans les paradis fiscaux. Donc c'est complètement... c'est dingue, quoi. Avec ça, en fait, il y a eu une descente des impôts à Jersey, mais ils étaient prévenus, ils avaient préparé leur coup. Les types du fisc n'ont rien trouvé. Oui. Mais c'est assez rare, d'ailleurs, que des gens du fisc débarquent dans un paradis fiscal. Ah non, c'était pas dans le paradis fiscal, ils ont débarqué à Place Vendôme. Ah oui. Et donc là, tu dis qu'il y a un logiciel ITEX qui est aussi un truc qui nettoie, quoi. Oui. Appuie sur le bouton et le mec ne trouve plus rien. C'est une plateforme. Là, c'est un de mes clients, Alpha, qui utilisait ITEX. Mais une fois qu'on sait qu'il y a ces outils, ça peut nous servir. La prochaine fois qu'on fait une descente, à relever qu'il y a une présence d'ITEX, donc il y a une grosse suspicion de simulation. Bah absolument. Puis moi, quand j'ai donné ensuite, par exemple, des informations à la DNEF, oui. qui sont les services secrets de Bercy. J'ai même donné les IP des serveurs d'Itex pour dire si vous voulez aller choper les... On peut en parler tout de suite de ça, parce que c'est, à la fin du livre, c'est une scène hallucinante. Alors, on va faire un bond dans le temps, après on reviendra sur Luxembourg. Donc, raconte. Quand t'es sorti de tout ce merdier, tu changes de vie, tu vas aller vivre dans les Vosges, etc. Puis à un moment, tu te réveilles, je sais pas, enfin, je le résume comme ça, tu te dis, bon, allez, je vais aller voir parce que tu continues à avoir plein d'infos des gens qui sont là, et tu leur amènes mes deux dossiers, mais magnifiques, c'est très technique, et tu leur dis, donc tu vas voir des pontes à la Direction nationale des enquêtes financières, et tu leur amènes les deux dossiers. À ce moment-là, raconte. Alors, en fait, dans le livre, je parle de deux, mais il y en avait plus que deux. Ce sont des personnes françaises qui passent par les paradis fiscaux, et c'était, moi j'y étais allé parce que c'était la loi Sapin 2 et je voulais savoir comment ça se passait. C'était très particulier parce que je me suis rendu compte tout d'abord qu'il n'y avait pas de procès verbal quand j'ai rencontré les hauts fonctionnaires. Donc oui, tu vas les voir, les mecs te reçoivent comme ça. Oui, ils me reçoivent, tout ça, donc c'est sécurisé, tu rentres, il y a les SAS, tu donnes les affaires, donc j'ai expliqué les affaires en détail, ce que j'avais, j'aurais redonné les informations, les documents en papier. À un moment donné, je leur ai dit, mais il n'y a pas de procès verbal, on ne laisse pas de preuves ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit, non, c'est juste un gentleman agreement. Mm. Et j'ai dit, comment ça, un accord donc, entre deux personnes, oral. Je dis, mais je ne comprends pas, on est en France, vous êtes une structure étatique, il faut laisser une preuve, un procès verbal. Mm. Donc il n'y a pas eu de procès verbal. Et c'était. Oui, mais ce qui est le plus hallucinant, c'est que tu leur donnes clé en main. Il y avait combien d'argent de parti là? On est dans des dizaines de millions d'euros. Des centaines de millions d'euros. Des centaines de millions d'euros qui échappent au fisc français. On est d'accord. Tu vas voir les mecs qui font les enquêtes du fisc. Ouais. Tu leur dis le truc. Les types sont d'abord hyper suspicieux. Et ils essaient de trouver plein d'arguments pour te dire non, mais c'est pas possible. Il y a un chef qui s'engueule avec son sous-chef. Enfin, on a l'impression d'être dans une comédie, quoi. Oui, donc, et en fait, ils en veulent pas de tes infos. Si vous êtes une star de la musique ou du cinéma, que vous n'avez pas un réseau derrière vous, politique ou je ne sais quoi, ou de hauts fonctionnaires, la Bercy va vous tomber dessus et va récupérer l'argent d'évasion fiscale. Par contre, si vous êtes un milliardaire français qui a plein de sociétés en France à l'étranger, on va considérer que quand même, vous faites beaucoup de bien pour la France, donc... Voilà. Parce que là, tu balances en plus, il y a des noms. Là. À un moment, j'ai vu, il y avait un accord entre un milliardaire américain qui s'appelle Wilbur Ross, qui est secrétaire d'État aujourd'hui de Trump, c'est pour ça que je connaissais son nom, avec un Français qui est Philippe Nguyen, qui était l'ancien boss du Crédit Lyonnais, non, un truc. Oui, aussi, ça a été un des anciens. Et alors, eux, ils font ils défiscalisent à donf, là aussi. Non, c'est l'évasion fiscale. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un euphémisme. Je sais bien, maman, je te provoque un peu, mais oui. Tu peux raconter? En fait, c'est une joint venture, un partenariat, on va parler français, partenariat entre ce milliardaire américain qui est maintenant, qui travaille pour Trump, donc qui est ministre aux États-Unis, et Philippe Nguyen, qui est un ancien aussi de la Caisse des dépôts, si je ne me trompe pas. Ils font un partenariat qui me paraît très curieux dès le départ. J'administre le fonds, donc c'est un fonds qui est basé à Jersey avec des investissements qui sont en Europe dans le ferroviaire, le fret ferroviaire. Donc une société qui est allemande et une société qui est suisse. Et les deux sociétés, en réalité, sont les leaders du fret en Europe. Donc quelque part, on peut dire que techniquement, il y a bien une sorte de monopole qui est créé via des structures. C'est une fausse concurrence, quoi. Voilà, oui. Et ça leur fait rapporte plein d'argent. Et là, c'est pareil, tu dénonces ça, mais à ta connaissance, il n'y a pas eu d'enquête, rien, quoi. Non. Donc les mecs continuent. Oui. Tu mets ça dans un livre, pas d'informations ouvertes. Monsieur Nguyen, si vous nous regardez, vous avez bien de la chance. Je sais qu'il a été condamné, il a interdiction d'administrer les sociétés pendant 5 ans, il a été condamné dernièrement. Mais après aussi, le système se défend, je veux dire. Oui, non, mais là, j'ai l'impression de me moquer, de balancer des noms, etc. Et si je le fais, c'est pas pour provoquer, c'est parce que. Et je le fais parce que ce livre est complètement charpenté, quoi. Je veux dire, je connais la maison d'édition, je sais que le sérieux, je sais que les avocats ont dû le relire, etc. Et si tu dis ces noms-là, c'est aussi une forme de provocation, quoi, en disant, mais qu'est-ce que vous faites, quoi? C'est ce qui transparaît tout le livre. Qu'est-ce que l'État fait? Voilà. Alors, l'État, à un moment donné, c'est ça aussi, c'est flippant sur, on voit à quel point la faiblesse des États, leur ignorance par rapport à la fois aux mécaniques que tu décris, et puis par rapport à ces multinationales. La DGSE, finalement, c'est quasi un épiphénomène, où quand tu vois l'attitude de la DNEF, sur ces questions de fraude et de fiscalité, je parle pas d'autre chose. Je suis très optimiste, je pense qu'on est au début de quelque chose. D'ailleurs, pour moi, tu es un des pionniers, si ce n'est le pionnier en France, qui a commencé à mettre la lumière sur ces histoires-là. Ouais. Et je pense que, moi, je crois véritablement à la systématisation Le but, c'est pas de faire des grosses révélations, c'est de mettre de la lumière sur ces agissements. Parce que ces gens, moi, j'ai rien contre les riches, c'est pas le problème. Le problème, c'est ceux qui trichent qui me dérangent. Et ceux qui trichent et qui se font de l'argent là-dessus, en trichant, ils basent leur force, leur domination même, sur du mensonge. Donc, si on met de la lumière sur leurs agissements, je pense qu'on peut réduire leur pseudo-puissance de façon importante. Le but, c'est pas une lutte, si tu veux, avec de la haine ou de la rancœur. C'est vraiment leur demander des comptes en leur disant, écoutez, les gars, vous trichez. Là, ça suffit. On sait ce que vous faites exactement. Vous êtes des sales gosses. Arrêtez. Alors, j'ai trouvé, page 208, il y a un passage qui m'a intéressé. Alors, tu dis, ces informations remontent au plus haut niveau sous forme de rapports au ministère des Finances, au Premier ministre, au Président de la République. Elles seront gardées sous le coude pour être exploitées dans le cadre d'un rapport de force dans l'ombre, dans une sorte de diplomatie parallèle. La question formulée à propos des fonds propres de nos banques me saute aux yeux. J'en déduis que l'État, au mieux, manque d'informations sur ce sujet, ou au pire, doute de celles qui lui sont officiellement fournies, notamment par l'AMF, l'Autorité des marchés financiers. Cela donne une idée du pouvoir limité des structures étatiques face à l'empire financier. L'État français est écartelé entre le désir de voir nos multinationales prospérer à l'étranger, quitte à faciliter la fraude via les paradis fiscaux, et son devoir de protection des citoyens français en régulant une activité financière propre à s'emballer. Tu peux expliciter un peu ce... Parce que c'est là qu'on peut être effrayé, quoi, quand on... La question, c'est qu'est-ce qu'un paradis fiscal, au final ? Et le paradis fiscal, il y a des gens qui travaillent pour lui, directement, indirectement. Et moi, dans mon expérience, j'ai vu que les hauts fonctionnaires français, et les politiques français, travaillent pour les paradis fiscaux. Et que l'État aussi utilise les paradis fiscaux. Donc, on est devant un énorme problème. Tu parles des machines agricoles, ça m'a plu aussi. Ouais. Qui servent bien à Dassault. Tu peux l'expliquer, ça, ou pas ? Les machines agricoles. Non, alors là, tu parles, je pense, quand la DGSE me demande d'investiguer sur des schémas de rétrocommission. C'est ça, voilà. Donc là, c'était... Oui, en fait, il faut savoir que l'État utilise aussi les paradis fiscaux pour financer des rétrocommissions sur l'armement. Et à un moment donné, la DGSE me demande de trouver les schémas de rétrocommission du compétiteur de Dassault, qui est un Suédois. Enfin, l'avion est Suédois, c'est Gripen, le Gripen. Et on me donne des éléments... en fait, les éléments qui me sont donnés par la DGSE, c'est une société basée en Inde qui rachète du matériel agricole. Donc voilà, en fait, les paradis fiscaux servent évidemment pour plein de choses, à commencer par des rétrocommissions avec des hommes politiques, pour de l'armement, pour les multinationales. La DGSE, sur les LuxLeaks, elle savait tout dès 2010, quoi. Oui, oui. Tu peux expliquer un peu ? En fait, moi, à un moment donné, on a travaillé avec mon officier traitant pour en fait aspirer, si tu veux, tous les serveurs des cabinets d'avocats de Luxembourg. Et dans les cabinets d'avocats du Luxembourg, tu as évidemment tous les tax rulings qui sont là, les rescrits fiscaux. Et l'État français est au courant, au moins depuis 2010, de ces documents-là. Non, mais c'est ça qui est dément, quoi. Enfin, on le sait, mais quand on le voit écrit, quand on voit comment ça se passe, on se dit, mais putain. Je trouve que les Français sont très résilients en réalité, parce que s'ils voyaient vraiment tout ce... Moi, le but du livre, c'était de montrer vraiment l'envers du décor. Enfin, j'ai essayé. Tu dis, à un moment donné, j'ai bien aimé, parce que tu te définis comme un électron libre, c'est page 249. Ma singularité irrite les supérieurs, mais m'attire la sympathie des OT. Les OT, c'est les officiers traitants. Je m'en réjouis. Les donneurs d'ordre qui foulent ces fameux parquets cirés, en fait, ce sont les types qui... des polytechniciens, des énarques, qui sont souvent des camarades de promotion de ceux que je retrouve dans les fonds d'investissement. Ouais. Les chefs subodorent en moi l'électron libre, celui capable de les remettre en cause, eux et le système. Mais puisque toi, t'es libre, tu demandes pas d'argent, tu fais ça pour nous aider, en fait, pour aider les Français. Et tu dis, ils ne se trompent pas, mais me garderont quand même comme agent durant 5 ans. L'expertise que j'ai acquise ne se façonne pas, ni ne se jette pas en quelques mois. Pourtant, nos doutes se nourrissent mutuellement et vont creuser peu à peu un fossé irréductible. Grâce aux discussions avec les amis, c'est la DGSE, aux listes de courses à nos et plus spécifique, j'ai acquis une vision d'ensemble, véritable cartographie détaillée du département du renseignement économique. Tout ce que nous avons partagé, doutes, réticences, assurances, boutades, demandes et objectifs, m'a permis de comprendre leur visée. Oui, ils m'ont véritablement formé. J'ai été formé par la finance offshore, mais aussi leur formation a été cruciale. Et maintenant, si je peux aider les syndicats et les groupes de salariés, c'est aussi grâce à eux. J'en suis reconnaissant. Je parle de mes officiers traitants. Après, effectivement, tu parles de leurs supérieurs qui ont très vite été méfiants un peu avec moi. Mes officiers traitants me le disaient. Ils me disaient, mais ils ne comprennent pas, quoi. Je sais que j'ai un de mes officiers traitants qui, j'ai repris son, l'image qu'il avait donnée de ses supérieurs marchant sur, sur ses parquets bien cirés. Il m'a dit, ils ne comprennent pas ta détermination. Alors, tu débarques à Metz parce que tu viens habiter Metz parce qu'on t'envoie bosser au Luxembourg. Au Luxembourg, ouais, ouais. Et là, au Luxembourg, tu bosses où alors? Donc là, je bosse à State Street, Luxembourg, dans le centre-ville. Et je commute tous les jours en train avec le métro LOR que tu connais. Ouais. Alors, parle-moi de la. Tu décris très bien Jersey, mais sur le Luxembourg, on a l'impression que tu t'emmerdes au Luxembourg. Vraiment. Ouais. Et comment tu décrirais la société luxembourgeoise, quoi? Très, très fermé, le monde luxembourgeois. Ouais. J'ai très peu rencontré de luxembourgeois et ils restent vraiment entre eux, contrairement aux Jersiens qui sont très accueillants, que tu peux rencontrer par divers moyens. Eux, c'est extrêmement fermé. Et oui, j'ai pas aimé la culture luxembourgeoise. Alors, c'était plus facile ou est-ce que c'était plus l'habitude au fil des années? C'était plus facile de collecter les informations au Luxembourg quand je suis arrivé. Je trouvais que s'il y avait un côté plus amateur, il y avait aussi beaucoup plus de business. On ratissait beaucoup plus large. Par contre, non, je me suis, oui, pour reprendre ce que tu dis et parler un peu trivialement, je me suis emmerdé là-bas. C'est froid, c'est austère. Et puis en fait, au Luxembourg, dès que tu rencontres quelqu'un, il a ou un cousin, un frère, ou il bosse dans une banque, quoi. Ouais, tout ouais. est complètement. Il y a un maillage comme ça. Et donc, t'étais pressé de rentrer à Metz. Mais à Metz, tu sortais un peu. Tu t'es fait des amis. Oui, oui, j'ai un réseau d'amis toujours qui travaillent au Luxembourg. Hein, et certains sont à Metz. Il faut savoir que quand tu commutes tous les jours, que tu rentres chez toi, il est 9h du soir, 10h du soir. T'es claqué, tu repars le lendemain. Le week-end, tu fais comme voilà. Alors, j'ai vu, tu parles pas tellement des parades de Clearstream et des chambres de compensation. Non. Et on a l'impression que tu dis que tu à un moment donné, tu décris les paradis fiscaux, tu parles de fil invisible entre ces entités, quoi. Sauf que il me semble que les chambres de compensation, en fait, qui servent à faire voyager l'argent, en fait, virtuellement, on peut dire, mais elles laissent des traces, quoi. Oui. Cette non-traçabilité, on peut le résoudre par les contrôles dans les chambres de. Alors là, pour le moment, c'est toi l'expert. Vas-y, pose-moi des questions. Non, mais bon. Mais parce que tu laisses ça de côté. Pourtant, oui. Tu étais à Luxembourg. Pour le moment, je laisse ça de côté. Mais je me suis pas. Ouais. Tu as raison, je me suis pas penché sur ce problème qui est un autre trou noir de la finance offshore. Alors après, il y a des choses concrètes que tu racontes. Je voudrais deux histoires qui montrent à quel point on est victime de ces agissements. Parce qu'on a l'impression tout le temps que, voilà, c'est des grosses sommes, ça va dans les paradis fiscaux, puis ça n'a pas d'effet sur le réel, quoi. Ouais. Y a Maury Ducrot et il y a Samsonite. Ouais. Tu peux raconter ces deux histoires, comment tu tombes dessus, et les coûts humains, enfin ce que ça représente, quoi. Donc Samsonite, tout le monde connaît le bagagiste américain, leader mondial, qui avait une très grosse usine à Nain-Beaumont, dans le nord de la France. Et à un moment donné, moi quand j'étais à Jersey, j'ai vu la transaction quand Mitt Romney à la tête de son fonds d'investissement avec d'autres partenaires. Candidat à la présidence américaine. Voilà, candidat à la présidence américaine, a revendu Samsonite après avoir liquidé des sites de production comme Nain-Beaumont et ensuite l'a revendu à un autre fonds d'investissement luxembourgeois, basé maintenant à Hong Kong. Mais donc j'ai vu, si tu veux, alors quand tu es dans le cabinet d'avocat, tu vois les contrats, tout ça, tu vois les transferts d'argent, tu vois pas ce qui se passe, enfin moi je m'en doutais évidemment, mais tu vois pas que tu vas avoir 300, 400, 500 personnes qui vont être laissées sur le carreau alors que l'entreprise est extrêmement bénéficiaire. Et je te coupe un peu parce que je trouve l'histoire de Samsonite malheureusement magnifique, parce que tu as tout dans cette histoire. Ouais. T'as la montée du Front National, oui, t'as des politiques qui laisse faire, qui ferme les yeux sur ces saloperies, et puis tu as la finance internationale qui pompe l'argent, qui balance les gens, et puis toi t'es là, tu vois ça. T'as raison, c'est terrible, c'est un drame, c'est un drame antique si tu veux. L'affaire Samsonite, elle est entre guillemets emblématique parce que tu vois vraiment tous les acteurs. Les ouvriers, tu vois les politiques, tu vois la montée du Front National à cause des financiers, tu vois comment les financiers s'organisent. Et tu peux parler de Maury Ducrot. Alors Maury Ducrot, c'était une énorme liquidation qui s'est passée en 2015. J'ai investigué dessus, donc c'était après que je travaille, c'est quand je suis revenu en France, je travaillais plus pour la DGSE ou pour la finance. Donc c'est 5000 personnes qui travaillent dans le fret routier qui ont été licenciées. C'était la deuxième plus grosse casse française après SEB. Et moi, d'après mon investigation, et je ne suis pas le seul, puisqu'il y a aussi le liquidateur et ensuite, j'ai oublié un... Les syndicats ou non, une autre instance aussi... peu importe, on verra ça dans le livre. Qui arrive sur les mêmes conclusions que moi, sur le fait qu'il y a eu des problèmes de malversation sur au moins 100 millions d'euros qui auraient été détournés de la part d'un fonds d'investissement français qui s'appelle Caravelle. Oui, mais là, sur Maury Ducrot, en fait, tu peux les aider, enfin, etc. Oui. Mais on peut faire chanter les propriétaires avec les informations que tu récupères. Enfin, on peut faire pression. Et en fait, ça se passe pas exactement comme tu l'avais imaginé. Non, parce que la justice aussi, c'est pas parce que t'amènes toute la logique et tous les arguments que la justice, en première instance, va dire vous avez raison. Et puis les sommes sont telles que les juges ont peur, quoi. Ouais. Thank you. Moi, j'ai vu. Enfin, quand j'étais dans mes procès en diffamation avec Clearstream, à un moment, j'ai dit, mais j'étais jugé par des magistrats dans leur connaissance de la finance internationale, c'était leur livret de caisse d'épargne, quoi. Ouais. Les mecs, tu leur parles, t'as l'impression qu'ils comprennent rien. Non, ils comprennent rien. Ouais. Et après, ils vont pas condamner. Il y a un vrai problème de formation chez ces magistrats. Alors, tu sais pas s'ils comprennent pas pour certains. Je pense qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas, et il y en a d'autres. Tu sais pas trop à quel jeu ils jouent, hein, très franchement. Parce que j'ai vu, j'ai vu la décision de justice, j'ai été atterré, ils n'ont pas du tout regardé les éléments, et ils sont. Et là, les salariés. On a senti que c'était politique quand même. Les salariés peuvent encore faire appel ou c'est plié cette histoire? Alors, c'est vraiment protéiforme, hein, l'affaire Maurice Ducrot. Il y a eu plein d'actions différentes, et il y a eu des actions au TGI, il y a eu des actions au Prud'homme, il y a eu plein d'actions, et je sais qu'il y en a qui ont fait appel pour certaines actions. Alors, il y a des fois, on dit chercher la femme, et toi, tu dis chercher le hubo. Tu peux expliquer ce que c'est que l'ultimate Donc, le ultimate beneficial owner, ouais. C'est-à-dire la dernière personne qui détient, en fait, ou le dernier responsable, la personne qui détient les actifs ou l'argent d'une entreprise. Avec les paradis fiscaux ou les coquilles, tu sais jamais trop, même si tu t'en doutes, tu sais jamais trop qui est vraiment derrière, le dernier responsable. C'est d'ouvrir plein de portes, et tu tombes toujours. Ouais. Et l'ultimate, il est dur à trouver quand même. Ou pas? Non, moi ça va, je trouve. Pour l'instant, j'ai toujours réussi à trouver les UBO. Alors, j'ai lu, vers la fin du livre, parce que quand on signe des pétitions sur Avaaz ou sur change.org, là où change. Oui, c'est ça. Oui, oui. En fait, on finance des enfoirés qui font du offshore. Ouais, j'ai fait une petite boutade, oui, ils sont basés au Delaware, c'est un des plus gros paradis fiscaux du monde. Et comment ils gagnent de l'argent avec les pétitions? Je crois que tu peux, pour que la pétition marche bien, tu peux donner de l'argent pour qu'elle soit mieux propagée dans les réseaux sociaux. Donc, vu que les bénéfices ensuite arrivent dans au Delaware, je présume que l'argent qui est récolté ici en France va au Delaware. Alors après, ce qui est intéressant, on parle des fonds souverains, des fonds offshore, etc. Mais là, il y a la notion de fonds, les fonds du fonds. C'est-à-dire ces fonds souverains qui appartiennent aux États, et on voit donc que les États interviennent aussi dans ce qu'on appelle le shadow banking. Enfin, ils vont aussi dans le offshore pour. En fait, ils utilisent finalement les mêmes méthodes que ceux qui poursuivent. Et on est à un moment très troublé parce qu'on se dit que même la Caisse des dépôts, qui est une sorte de dernière banque publique, qui devrait être l'honneur de la France et même elle, quoi. Je veux dire, moi je l'avais vu dans l'affaire Quick, mais c'est ce que tu racontes et ça donne la nausée, quoi. Ben, on voit, oui, la Caisse de dépôt, une consignation qui investit à travers Ardian, donc qui est un groupe financier qui est anciennement AXA Private Equity, qui est un ancien département d'AXA. Et Ardian investit dans Mubadala, qui est un énorme fonds souverain d'Abu Dhabi. Ce fonds souverain investit, par exemple, entre autres, dans, par exemple, de l'armement russe, les Russian Helicopters, ce qui est doublement interdit, enfin, ce qui est interdit, puisque il y a de l'embargo sur l'armement russe. Donc la France est liée à ça, la Caisse des dépôts. Ils investissent dans un fonds souverain qui fait ce genre de choses. Et ce même fonds souverain, comme par hasard, lui-même investit dans l'armement français, la même entité qui reçoit l'argent de la Caisse de dépôt. Oui, j'ai vu ça. Ensuite, investit, achète l'armement à Naval Group. Donc il y a plein de choses, comme c'est ce que j'appelle la diplomatie financière. Il y a plein de montages. Alors c'est extrêmement passionnant. Pour moi, c'est un peu le Graal. Mais on est au cœur de la machine, là. C'est le cœur de la machine. Pour moi, c'est le Graal. C'est ce qu'il y a de plus opaque. Tout ce qui est fonds souverains et fonds de fonds, les fonds de fonds, c'est pour moi, c'est le Graal. Oui, c'est là où tu es à l'instant. T'as le cœur du système qui est dedans. Ouais. Ouais. Et comme on est tous un peu chasseurs, quand tu arrives à en choper un, tu te dis, putain, victoire. Généralement, t'es tout seul quand ça arrive, ça. Donc t'es chez toi, tu te prends un verre, tu dis, bon, ça. Non. C'est exactement ça, oui. Et tu vois tout d'un coup que tu vois que les instances de l'État violent des lois en passant par les paradis fiscaux. Alors, j'étais passionné aussi, j'ai encore deux, trois histoires, mais oui. Parce que tu dis, je savais que la France, donc c'est avec Emmanuel Macron, là, maintenant, enfin, je veux dire, c'est pas lui qui a pris cette décision, mais ils ont installé le Louvre aux Émirats, oui. Qui a été construit par des esclaves, on va dire, oui. Et que la France a récupéré 975 millions d'euros. Grâce au fonds émirati, oui. Et que en fait tu dis que ça finalement ça va servir à la guerre contre l'Iran. Enfin, ça fait partie de la diplomatie financière, si tu veux. C'est une façon. D'ailleurs, il y a d'autres personnes bien avant moi qui ont parlé de ça de façon très précise. Par exemple, le Louvre à Abu Dhabi, il est avec des œuvres d'art françaises. Tu te doutes bien que s'il y avait une guerre un jour entre l'Iran et Abu Dhabi, avec des œuvres d'art françaises, la France ne laisserait pas faire une telle guerre. Mais tu, pour protéger ces œuvres d'art, enfin, tu. Oui, c'est aussi con que ça. Ah, c'est aussi con que ça. Et d'ailleurs, je te dis, c'est des experts qui le disent. Je reprends la thèse. D'accord. Oui. Et alors, là, maintenant, enfin, à la fin de ton livre, alors, il y a un personnage que j'adore, puis c'est mon vieux copain Gérard Longuet. Gérard, si tu nous regardes, salut. Un jour, il a dit que j'étais le Jules Verne de la finance. Ah ouais? Puisque, bon, il me doit quelques déboires quand j'étais à Libération. Mais là, tu l'allumes quand même, là. Ah, et ouais. Là, il est. Alors. Pendant qu'il était, c'est quand même énorme ça. Moi, je ne le savais pas, hein, mais peut-être c'était sorti, je ne sais pas. Sur, c'est jamais sorti. C'est jamais ça. Sorti. Pendant qu'il était président de l'UMP au Sénat, il était administrateur d'un fonds qui s'appelle SeaInvest Afrique, qui est un fonds. Basé au Luxembourg, oui, une société. Basé au Luxembourg, une société offshore. Ouais. Donc le gars, il est président au Sénat du groupe UMP. Alors après, il a des petits scrupules quand il devient ministre, donc il lâche l'affaire pendant un an. Moi, en fait, ce qui m'a étonné, si tu veux, c'est de voir un type comme Baroin et Longuet, qui sont administrateurs tous les deux, sur cette société luxembourgeoise qui fait du trading de matières premières, donc achat-revente de matières premières, notamment du cacao. Il faut savoir que le producteur, le leader mondial du cacao, c'est la Côte d'Ivoire. Je crois qu'ils produisent 80% dans le monde. Et SeaInvest Afrique fait énormément de business avec la Côte d'Ivoire. Et Gérard Longuet est administrateur de cette société jusqu'à deux ou trois jours, quelques jours avant qu'il devienne ministre des Armées. Ensuite, je crois, je ne sais plus, c'est une semaine ou deux semaines après qu'il ait été nommé ministre des Armées. Il démissionne de son poste de ministre. Voilà, mais en même temps, il y a la guerre qui est déclenchée en Côte d'Ivoire. La guerre, est pas étrangère à cette guerre. En tout cas, il y a un grave conflit d'intérêts. Il faut savoir qu'une fois qu'il est revenu, tu peux expliquer le conflit d'intérêts, parce que pour les gens, c'est pas évident. Oui, le conflit d'intérêts, disons, sa société luxembourgeoise fait énormément de business, principalement avec la Côte d'Ivoire, qui est le producteur majoritaire du cacao dans le monde. Donc, à partir du moment, enfin, au niveau de tes intérêts, c'est très curieux, même s'il a démissionné deux, trois jours avant de devenir ministre des Armées, il n'en a pas parlé d'ailleurs quand il l'a fait. Et d'autre part, en 2014, moi j'ai vérifié a posteriori, sa déclaration de patrimoine est fausse, donc il a menti, bon maintenant je pense qu'il y a prescription, mais il n'a pas mentionné qu'il travaillait avant qu'il soit ministre, il n'a pas dit dans sa déclaration 2014, parce qu'en fait il faut remonter au moins 5 ans avant dans la déclaration de patrimoine, il n'a pas mis qu'il était administrateur de cette société luxembourgeoise. – Et Baroin le met, lui, François Baroin ?– Baroin, mais il est venu beaucoup plus tard, oui, Baroin, c'est 2017. – Oui, il est venu beaucoup plus tard, mais quand même c'est intéressant de savoir que ce type qui est président de l'Association des maires de France, enfin, qui quand même nous fait la morale, et il a l'air un peu plus, enfin, moi je le trouvais un peu plus sympa que certains mecs à droite qui nous font beaucoup la morale, mais quand même quand je découvre qu'il a une offshore au Luxembourg et qu'il magouille comme… – Alors magouille, je dis pas ça. – Magouille, mais... enfin, on va dire, le fait d'avoir une société offshore qui traite avec la Côte d'Ivoire quand on est un élu de la République, et quand on a ce statut-là, c'est étrange. C'est très étrange, d'autant plus que cette société luxembourgeoise a été cofondée à l'origine par une autre société qui était la possession de M. Houphouët-Boigny. Oui. Donc c'est quand même, ça a un petit arrière-goût de France-Afrique, c'est très curieux, on voudrait même... Il y a plein de choses très curieuses à propos de ces sociétés-là. Oui, et puis surtout, après ce qui m'a bien intéressé, parce que je suis lorrain, comme tu le sais, dans la Meuse, ils ont construit, la CMI l'a construit avec de l'argent public. Oui, oui, oui. Donc CMI, c'est une, par rapport au fonds offshore, c'est quoi? C'est une filiale du fonds offshore ou c'est une propriété du fonds offshore? C'est une filiale du fonds offshore. Voilà, donc ils construisent une sorte de d'école pour former des Saoudiens à la conduite des chars, enfin à apprendre la guerre, quoi. Ils vont là-bas. Oui. Et après, maintenant, on a la guerre de l'Arabie Saoudite avec le Yémen, avec l'armement français. Ouais. Et il y a de l'argent public de la région Lorraine, qui était à l'époque présidée par un socialiste qui s'appelle Jean-Pierre Masseret. 600 000 euros de nos impôts qui ont été financés. Bon, ça, je l'avais déjà lu dans la presse, mais quand on voit l'ensemble de l'édifice et ce que tu sors. Oui, parce qu'il travaille en même temps. On se dit, mais putain. Oui, parce que Longuet est aussi administrateur de CMI, société luxembourgeoise aussi, société qui a des ramifications offshore. Alors, on a l'impression qu'il est un peu. Moi, ce que je voudrais bien, c'est que les électeurs de Gérard Longuet et de François Baroin, enfin, même si Baroin a visiblement une responsabilité moindre, mais quand même, quoi, il est administrateur de ce fonds offshore, enfin, il faut qu'il le sache, ça. Et il faudrait que ces deux élus de la République s'expliquent sur ces questions-là. Et nous disent aussi qui sont les actionnaires de ces sociétés. Oui, ça nous intéresserait beaucoup, quoi. Et autrement, ben, on est prêt à, enfin, non, j'ai pas trop envie d'aller en procès avec eux, mais je veux dire, à un moment donné, il y a quelque chose, comment dire, de lassant dans tout ça, et celui qui te parle, il en a eu un paquet, des procès en diffamation. Après, tu gagnes, et les mecs continuent, quoi. C'est vraiment pendant les affaires continuent. Mais là, ça prend des proportions de dingue, et en période de gilet jaune, où quand même, c'est toujours la même question, quoi. Comment un pays aussi riche que le nôtre produit autant de pauvreté? Et voilà. Et donc là, on a un président de la République qui nous fait des leçons de morale, lui aussi, qui nous fait des déclarations publiques, etc. Et en coulisses, ça continue, ça continue. Tout ce... Ouais, je crois aussi, j'avais entendu il y a quelques années par un salarié qui avait été renvoyé dans une grosse liquidation qui, pour moi, est frauduleuse. Il avait dit « Il est où le pognon ?» Et moi, j'avais envie en même temps de répondre à ces gens-là, à ces amis, à leur dire l'argent, il est là. Tu décris où est l'argent, et puis t'as cette photo de poupée russe. Et on peut aller le chercher. Écoute, comme on a allumé, il y en a un dernier là quand même. Fillon. Fillon et De Castries, quoi. Ouais. Tu vois, c'est les vedettes. Donc, quand tu regardes, tu lis des canards, enfin des journaux que personne ne lit comme l'Opinion ou les pages saumon du Figaro. C'est des vedettes dans ces pages-là, quoi. Et alors, ces deux-là, en te lisant, alors, et c'est marrant parce que eux, ils sont associés dans un fonds qui se trouve aux Bermudes. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux personnages et de leurs investissements offshore ? Si tu veux, il y a quelque chose, j'en parle, d'ailleurs je donne les informations à la Direction nationale des enquêtes financières, je dis, d'ailleurs le PNF maintenant fait des enquêtes, alors pas spécifiquement sur De Castries ou sur Fillon, mais je parle de ce qu'on appelle le carried interest. Alors carried interest, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement, très simplement, des gens qui sont basés en France, des financiers, qui sont rémunérés pour leur travail qu'ils font en France, au Luxembourg, à Jersey ou ailleurs. Ouais. Et ça, c'est totalement illégal. Imagine que toi, si tu étais payé, que tu sois payé directement sur un compte offshore. D'ailleurs, nous, ça nous arrangerait bien aux médias. Il faudrait qu'on y réfléchisse, parce que là, ça devient dur, tu sais, financièrement à tenir. D'ailleurs, je fais un petit rappel aux gens qui voient qu'on parle assez librement de tout ça. Je pense que sur un autre, dans une télé ou tout ça, personne parlerait aussi librement qu'on parle tous les deux. Et si on a cette liberté, c'est grâce aux gens qui nous financent. Mais même si vous aviez des fonds offshore, moi, je les prends, quoi. De toute manière, ce qu'il faut, c'est qu'on continue à vivre, à faire une information libre, etc. Et non, je déconne sur les fonds offshore. Mais quand même, quoi, c'est... Enfin, ce qui ressort de tout ça, tu cites un type que j'adore à la fin, qui est Gabriel Zucman, qui veut créer un cadastre des paradis fiscaux, etc. Et tu dis aussi à la fin, enfin, toi, finalement, ce qui va résoudre tout ça, enfin, personnellement, après avoir eu cette vie et tout ça, tu crées un site qui s'appelle lanceurdalerte.org où tu tout ce que tu as appris, tu le mets au service à notre service, quoi. Oui. Et d'ailleurs, je te fais un appel d'offres. J'espère que tu vas venir travailler avec nous avec qu'on va sortir plein d'affaires. Avec grand plaisir. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Parce que quand on ça s'appelle là où est l'argent, mais c'est aussi un mode d'emploi qui nous dit comment là où on doit l'argent. Récupérer c'est l'argent. Ça. Quoi. Ouais. On va dire que c'est notre conclusion. Ok, super. Merci beaucoup merci de ce livre et de ta présence aux médias. Merci Denis. Au revoir. Au revoir. Parfois, depuis des dizaines d'années, des agents territoriaux perçoivent leur traitement alors qu'ils n'occupent aucun poste. Avant que Vauquier arrive, on ne sait même pas 30 heures. Depuis que Vauquier est là, fleur caissière, voilà un point positif, tout le monde est aux 35 heures et ça marche. Revenir sur le problème des fonctionnaires plus généralement, qui parfois veulent travailler. Oui, c'est assez insupportable. Mais c'est horrible, c'est-à-dire qu'ils passent son temps finalement à être isolés. Mais ce serait un scandale, absolu. Certes, fonctionnaires payés à ne rien faire, choquant oui ou non. Il y en a quand même 12% qui disent c'est pas choquant sur RMC, non, sur Twitter. C'est pas choquant dans le sens, on a tellement l'habitude que ça nous choque plus. C'est la polémique de merde de l'été qui tombe à point nommé alors que le gouvernement a fait passer une loi brisant un peu plus le statut de la fonction publique pour augmenter les recours aux contractuels dans les services de l'État. La précarité, c'est tellement cool. Un fonctionnaire aurait été pris à ne rien faire et l'ensemble de nos médias s'emparent de ce cas individuel pour cracher leur habituel venin sur le secteur qui emploie le plus de gens en France. Vous voulez parler travail et utilité du travail ? Alors allons-y. Dans notre société qui valorise le travail comme une fin en soi, personne n'est plus coupable que ceux qui ne font rien. Chômeurs, maintenant retraités, nos dirigeants aimeraient qu'ils soient obligés de travailler jusqu'à 80 ans, comme aux États-Unis. En France, ceux qui ne triment pas ont tort. Vieux restes religieux, mais surtout propagande qui arrange bien les possédants, trop heureux de nous faire bosser à moindre coût et en toutes circonstances. Dans la fonction publique, comme dans les entreprises privées, ce dont les grandes gueules ne parleront jamais, bien évidemment, des salariés se font placardiser. Solution pratique des managers pour éviter d'affronter les problèmes, la placardisation consiste à mettre les gens à un poste bidon, qui peut d'ailleurs être très bien payé, et à les y laisser dépérir. On aurait tort de jalouser ces personnes payées à ne rien faire, de s'imaginer qu'elles passent leur journée à pêcher la truite et à siffloter les mains dans les poches. Dans ce pays qui a fait du travail la valeur suprême, être payé pour être oisif est une souffrance. Le burn-out provoque stress intense, dépression et pathologies dont on ne se remet parfois pas. Pourtant, il existe aussi tout un tas de gens qui s'agitent en tous sens, sont payés cher pour cela, et font plus de mal que ceux qui sont payés à ne rien faire. Il y a l'ensemble des jobs à la con dont parle l'anthropologue David Graeber, et qui consistent en des boulots qualifiés mais qui visent juste à faire joli dans une entreprise, à valoriser les chefs, à rafistoler les dysfonctionnements bidons, à contrôler, faire du reporting, controlling, staffing, parce que les actionnaires veulent tirer le plus de leurs salariés et ont besoin de gens payés pour ça. Il y a tous ces cabinets de consultants qui viennent se nourrir de prestations relativement bidons, destinées à verdir des entreprises, à faire croire en leur management humain, en conseils divers et variés, en stratégies éco-responsables, et à la fois compétitive. Et puis il y a les boulots carrément nocifs pour la société et la planète, qui sont sans doute les mieux payés. Les DRH primés à la réussite d'un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est-à-dire un licenciement de masse. Les Chief Happiness Manager dans une entreprise privée, chargée de créer artificiellement une bonne ambiance en faisant chier tout le monde. Détendez les muscles de vos bras. Là ça va, là. Moi ça c'est bien, là. 3, 4. Cadassez pas, cadassez en place. Là on est un peu tendu sur le moment, mais ça s'est vraiment super bien passé. Mais là, ça fait 3 jours que j'ai pas dormi, voilà. Donc. Alors, par contre, il va vous donner une heure de passage. Ouais. Je vais prendre avec vous l'empreinte dont je vous parlais pour la carte bleue. Pour la personne. Je vais prendre l'empreinte carte bleue. Et bien sûr, DG et PDG. Ah, tout le monde s'accorde à dire qu'ils bossent jours et nuits. Mais pourquoi ? Pour peaufiner des stratégies court-termistes dont on sait qu'elles contribuent à la destruction de notre planète ? Oh yeah ! Et que dire des marketeurs qui cherchent chaque jour à créer de nouveaux besoins et donc génèrent de nouvelles frustrations, de nouvelles aliénations mentales ? Ils travaillent sans relâche, ces gens qui conçoivent des publicités pour habituer nos enfants au sucre, aux mensurations corporelles inatteignables, à la reproduction du sexisme télévisuel. Des vernis assortis à la couleur de votre Twingo. Mais pour quel foutu résultat ? Et que dire de ces députés qui nous coûtent un fric fou et qui font mine de suivre des commissions consacrées à l'écologie pour ensuite voter le CETA ? Ils ne sont pas payés à rien faire, eux, finalement ? Même si, en apparence, ils s'agitent en tous sens et prennent l'air important de ceux qui sont débordés ? Si l'on veut sauver la planète, si l'on veut préserver la santé mentale de nos concitoyens, il va falloir arrêter de célébrer le travail pour le travail. Des tas de gens bossent pour nous nuire. Si l'écologie est devenue un paramètre majeur du débat public, affirmons ceci. Une chômeuse qui cultive son jardin est plus utile à notre salut commun qu'un chargé de ressources humaines ou qu'un directeur marketing, car elle fait venir des abeilles et permet aux insectes de vivre, tandis que les seconds ne font que nourrir de gros parasites au prix de notre santé et de notre environnement. Préférons ceux qui ne bossent pas à ceux qui font de la merde, et avant tout ceux qui bossent pour du mieux, et dont la télé et la radio ne célèbrent jamais les vertus alors que le gouvernement des connards arrogants leur met la misère. Infirmiers et infirmières, enseignants, enseignantes, pompiers, soignants, agents du service public sans qui tout se casserait la gueule, mais aussi paysans, éboueurs, conductrices de bus et de métro, nounous, femmes et hommes de ménage, celles et ceux qu'on ne voit pas à la télé mais qui, s'ils arrêtaient de travailler, plongeraient nos vies dans le chaos. Les salariés du marketing et les DRH ne peuvent pas en dire autant. Sauvez la planète et sauvez-vous. Travaillez mieux, travaillez moins.

Cette révolution du charbon est financée par les capitaux de la bourgeoisie des villes. Les Parisiens investissent dans les mines de Carmaux dans le Tarn et de Decazeville dans l'Aveyron. Les Lyonnais dans celle de Saint-Étienne dans la Loire. Les Marseillais dans les mines de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône et d'Alès dans le Gard. Quand les patrons de la puissante industrie textile du Nord investissent massivement dans les exploitations houillères d'Anzin et de Lens dans le Pas-de-Calais. Des dizaines de milliers de paysans quittent l'exploitation des champs et rejoignent les mines de charbon. Les fosses qui se creusent sur tout le territoire voient naître une classe ouvrière qui s'apprête à transformer la vie économique et sociale du pays. C'est parce que les mineurs symbolisent mieux que tout autre cette mutation profonde de la France que le journaliste et écrivain Émile Zola choisit en 1884 de raconter les ouvriers et leur lutte à travers la vie des gueules noires. Le romancier le plus célèbre de l'époque est le premier à comprendre que la révolution industrielle porte en germe une révolution sociale à venir. Pour préparer Germinal, le prochain volume des Rougon-Macquart, sa monumentale histoire des Français, l'écrivain a choisi de se rendre à Anzin, dans le département du Nord. La compagnie d'Anzin, ce sont 30 puits, 1 million de tonnes de charbon extraits chaque année, 34 machines, 1700 chevaux et 12 000 mineurs de fond. Lorsqu'il arrive à Anzin, Émile Zola ressent la puissance des installations et surtout cette sensation d'écrasement des individus qu'il tentera de retranscrire dans Germinal. Cette fosse dressant sa cheminée comme une corne menaçante semblait avoir un air mauvais de bête goulue accroupie là pour manger le monde. Émile Zola exige de descendre au fond de la mine. Parvenu à 650 mètres sous terre, il note dans ses carnets ses propres sensations. On s'enfonce dans une galerie. La nuit s'y fait, les lampes éclairent fort peu. Devant moi, l'ingénieur qui marchait m'apparaissait en silhouette noire, se détachant sur une lueur vague. Progressant difficilement le long des galeries, Zola remarque le train de wagonnet tiré par un cheval aveugle. Dans la poussière de charbon, la chaleur et l'angoisse, Zola avance jusqu'aux veines les plus étroites, là où, comme il l'écrit, il faut se traîner à quatre pattes pour atteindre les mineurs qui ont rampé dans un boyau d'à peine 80 cm. Le journaliste en fera une description poignante dans Germinal. Allongé sur le flanc, il n'avait qu'une idée, compléter un gros nombre de berlines. À mesure que la journée s'avançait, l'air s'empoisonnait davantage. Eux, au fond de leur trou de taupe, sous le poids de la terre, n'ayant plus de souffle dans leur poitrine embrasée, tapaient toujours. Dans les galeries de la fosse Renard, Zola découvre le peuple de la mine organisé en petites équipes très structurées et hiérarchisées. Des hommes, mais aussi des femmes et des enfants. Longtemps, les jeunes filles ont été envoyées au fond de la mine quand on manquait de bras. Elles étaient quelques milliers dans les fosses du Nord-Pas-de-Calais à avoir rejoint au fond une équipe familiale autour d'un père ou d'un frère. Bientôt, les femmes ne seront plus autorisées à descendre et travailleront en surface, notamment au triage. Ce métier ingrat de pauvresse et de crève-la-faim, comme on disait alors, et qui consistait à retirer des tapis roulants les pierres et la terre qui avaient été remontées avec le charbon. Ces clapeuses ou cafus

toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Bonjour Geoffrey de la Gannerie. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tu es sociologue et philosophe et tu viens d'écrire avec Assa Traoré, ça sort aujourd'hui même, Le combat Adama aux éditions Stock. Alors dès le début, vous nous expliquez, enfin tu nous expliques dans un passage qui est de toi parce que c'est un peu courant alternatif, c'est une fois à ça, une fois à toi. Ouais. Donc tu nous expliques que la société se divise en deux. D'un côté ceux dont l'être au monde est structuré par leur rapport à la police, et ceux d'un autre côté pour qui c'est pas le cas, qu'on n'a absolument rien à foutre, enfin qui savent pas du coup, qui ont aucun rapport avec la police. Alors je comprends que la dichotomie radicale que tu proposes, c'est un peu une ligne de fracture très importante pour toi, pour lire la société. Mais pourquoi est-ce que tu en as fait la ligne de fracture la plus importante ? Alors, je ne pense pas que j'en ferai la ligne de fracture centrale. Et c'est vrai qu'à la fin du livre, notamment quand on réfléchit sur la politique, on essaye de défaire un peu l'idée selon laquelle il y aurait un clivage central et qu'il faut beaucoup plus penser l'hétérogénéité, le chaos des systèmes de pouvoir, et que la société, elle est faite de différents types de systèmes de pouvoir et de différentes manières d'être constituées par les différents types de pouvoir. Après, aussi, l'une des questions qu'on pose dès le début du livre, c'est que très souvent, c'est vrai que dans la gauche, dans le mouvement social, on a tendance à penser que la question économique va être la question centrale, ou l'une des questions pratiquement la plus clivante, la plus source de plus grande fracture. Et il y a beaucoup, beaucoup de mal à penser pourquoi les mouvements des quartiers populaires, pourquoi souvent les jeunes garçons noirs et arabes, eux vont très souvent dire que c'est la police le problème principal qui définit leur rapport au monde, qui définit ce qui est pour eux le pouvoir à affronter. Et c'est vrai que quand on réfléchit sur les vies qui sont vécues dans les quartiers populaires, en l'occurrence, on voit que la question de la vie même, de l'espace public, du rapport au dehors, du rapport à la masculinité, de la possibilité de vivre ou pas, d'avoir peur de, quand on sort de chez soi, le fait d'être tué, puisqu'il y a quand même un garçon noir et arabe qui est tué par mois par la police en France, conduit à une production de subjectivité dont le rapport à soi est structuré par la question du rapport à la police. Donc la question qu'on pose au début du livre, enfin que moi je pose dans mon passage, parce qu'effectivement le livre est constitué de différentes prises de position d'Assa et de moi qui se complètent et qui se juxtaposent, c'est de quelle manière est-ce que dans la société actuelle aujourd'hui en France, il y a des individus pour qui le rapport au monde est structuré par la question policière, et des individus pour qui ça n'est pas le cas. Des individus pour qui sortir de chez eux fait qu'ils se sentent en danger à cause de la police, et des individus pour qui cette question-là ne se pose même pas. Et ça introduit l'une des fractures du monde social. Et donc, effectivement, pour un certain nombre de gens aujourd'hui, on peut dire que la question policière est centrale. Donc, il s'agit de comprendre cette centralité, de l'explorer, d'aller le plus loin possible dans le rapport entre police et ordre social, si on veut. Et d'autre part, de dire qu'effectivement, il y a un rapport entre police et privilèges, c'est-à-dire qu'il y a des populations qui ont le privilège de ne pas être concernées par la police et donc qui ont le risque d'être concernées par la police, et que par conséquent, si en tant que privilégié, par exemple moi, je ne mets pas en question la police dans mes travaux, etc., je suis un peu complice d'un ordre qui me donne des privilèges par rapport à d'autres qui, eux, sont soumis à un arbitraire policier. Toi, personnellement, t'es plutôt dans la catégorie de ceux qui sont pas en rapport, enfin, qui ne structurent pas ton rapport à la société par rapport au rapport à la police. Qu'est-ce que ça veut dire que tu sois intéressé par cette question? Que toi, en tant que sociologue, en tant que philosophe, tu ailles voir Assa Traoré qui, elle, de par l'histoire de son frère et de son histoire à elle, et en tant que femme noire, et genre préoccupé au plus haut point par cette question. Oui, alors de toute façon, après la question des raisons pourquoi me paraît toujours un peu très difficile à dire pourquoi un intellectuel se met à s'intéresser à une cause ou à une autre. Ça, c'est pourquoi c'est important beaucoup de hasard que tu le fasses. Je dirais que, en fait, je dirais pas que moi je suis pas intéressé par la police. Je dirais pas que je suis pas concerné par la police, mais je le suis positivement. C'est-à-dire que moi, la police, c'est quelque chose qui m'aide. Moi, la police, c'est quelque chose qui me permet d'avoir les choses dont je bénéficie. Je prends un exemple dans le livre, qui est la question de l'école, par exemple. Si on pense à la sélection scolaire, très souvent on va penser qui a accès aux positions des titres scolaires grâce à l'école. mais beaucoup de travaux sociologiques ont montré par exemple que l'un des agents qui est responsable de la déscolarisation, notamment des jeunes garçons des quartiers populaires noirs et arabes, c'est la police, qui en fait va les cibler pour les délits qu'ils vont commettre, ou les tout petits délits de la vie quotidienne que les blancs aussi commettent, hein, qui peuvent être de la drogue, des agressions, des petites batailles, etc. Bon, mais va les cibler spécifiquement et va les faire rentrer dans l'appareil pénal et donc va les exclure de la population scolaire. Ça veut dire que la police, elle a aujourd'hui dans nos sociétés un rôle relatif à la sélection scolaire, c'est-à-dire qu'elle exfiltre un certain nombre d'individus du système scolaire, en gros les jeunes garçons noirs et arabes, pour les amener plutôt dans le système pénal et dans le système carcéral. On sait qu'en France, hein, c'est 65% des prisonniers sont noirs et arabes, et c'est plus qu'aux États-Unis. De ce point de vue-là, le fait que des individus comme moi aient pu réussir scolairement est préconditionné par le fait que des gens étaient exclus du système scolaire par l'intermédiaire de la police. Donc mes privilèges comme scolaire, si on veut, ou qui m'a produit comme intellectuel, je le dois aussi au fait que la police a exclu des gens de l'école par ses actions discrétionnaires. Et de ce point de vue-là, je ne dirais pas que je ne suis pas concerné par la police. Par contre, ça, c'est le rôle de l'intellectuel, c'est de savoir précisément, et du sociologue ou du philosophe, c'est de pouvoir penser sa vie relationnellement, c'est-à-dire de savoir de quel type de système de domination j'ai bénéficié pour pouvoir être un intellectuel. Et donc, comme intellectuel, devoir les mettre en question. Sinon, je suis un peu complice de ce qui me produit comme intellectuel. Donc, je dirais qu'il y a cette dimension-là. Et alors, après, le livre avec Assa, pour moi, c'est vraiment... Enfin, il y avait un très beau texte de Foucault quand il a écrit « Surveiller, punir », après avoir s'être mobilisé avec les prisonniers. Il a dit, après avoir été mobilisé pour la question des prisons, de la prise de parole des prisonniers, je me suis dit qu'il fallait faire un livre qui partait des luttes et qui avait pour fonction de revenir aux luttes. Ben, le livre avec Assa, c'est exactement ça. C'est que vraiment, étant impliqué depuis 2 ans dans les actions du comité Adama, dans les batailles sur la violence policière, sur le racisme d'État, il m'a semblé qu'il fallait qu'il y ait un livre un peu total qui fasse une théorie de la police, une théorie du racisme d'État, une théorie de la démocratie, une théorie du rapport de la justice à ses affaires, une théorie des nouvelles formes de politique qui s'en dégagent, et que Assa et moi, on essaye de produire ces analyses-là. Et donc c'est un livre qui, effectivement, comme le disait Foucault, qui vient des luttes et qui part des luttes, avec cette spécificité, et là j'en suis moi très fier, c'est que Foucault n'a pas fait un livre avec un prisonnier, et que moi, je pense que c'était très important de faire un livre à égalité, comme une alliance, avec deux voix, qui incarnent deux manières de penser et d'affronter cette question politique aujourd'hui. Alors, je reviens un tout petit peu sur ton exemple de l'école, parce qu'en gros, ce que tu expliques, c'est que c'est à cause de la police que certains jeunes se sont exclus du système scolaire. Mais on a toujours l'impression que c'est plutôt l'école, en fait, qui exclut, et du coup, la police qui récupère, en fait, ces gens qui sont exclus du système scolaire. Oui, alors, de fait, déjà, le dire comme ça, c'est vrai. Et c'est vrai que l'école participe d'un... Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui, en France, comme toute société, un système d'élimination sociale et physique des garçons noirs et arabes. En gros, moi, je pense que le livre, il dit ça. C'est-à-dire que, de fait, il y a un processus d'élimination systématique, soit sociale, soit scolaire, soit réelle, c'est-à-dire par la mort, et que, concrètement, des institutions fonctionnent ensemble pour aboutir à cette élimination, et que l'école, par l'élimination scolaire qu'elle produit, souvent par les profs qui le font, puis la police, effectivement, puis la prison, puis les juges, produit cette ségrégation, cette élimination. Il n'y a qu'à comparer la proportion de noirs et arabes en prison et la proportion dans les journaux, dans le sphère politique, dans l'université. Enfin voilà, on voit très très bien comment un mécanisme d'élimination sociale est en place. Après, la question de... Donc, tu as tout à fait raison. Mais après, la question qui était importante pour moi sur la question de la... sur police et école, pourquoi j'ai pris cet exemple, c'est que très souvent, on a l'impression que l'état de droit dans lequel nous vivrions aurait aboli l'arbitraire. C'est-à-dire qu'il y aurait une forme d'arbitraire du pouvoir qui est liée à la figure du roi dans les régimes absolutistes, et que le roi pouvait enfermer par les lettres de cachet n'importe qui s'il décidait. Mais qu'aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés où, par l'état de droit, on a aboli l'arbitraire de la sanction, l'arbitraire pénal. Et moi, ce que j'essaie de défendre dans cette partie-là sur l'école et la police, c'est que, en fait, la police, elle traite différemment les gens selon leur propriété sociale, avec des lois identiques. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu as deux blancs qui vont se battre à la fin d'une soirée alcoolisée, elle va leur dire « calmez-vous, rentrez chez vous ». Et si c'est deux noirs, enfin, ça, les travaux de sociologie l'ont montré, hein, elle va les emmener au poste, elle va les interpeller, elle va les faire rentrer dans le processus pénal. Et donc là, elle va les faire basculer leur existence du côté du processus pénal. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'en fait, la loi, c'est un système qui transfère l'arbitraire du souverain à la police. C'est-à-dire que la police aujourd'hui a un pouvoir arbitraire sur nos vies, c'est-à-dire qu'elle peut décider de cibler des gens et d'utiliser la loi pour les abattre socialement et les abattre pénalement. Et donc en fait, l'état de droit, c'est un état où l'arbitraire a été transféré du souverain au système police-parquet, pour le dire vite, et que par conséquent, nous sommes aujourd'hui dans des états où la frontière état policier, état de droit est beaucoup plus floue qu'on a l'impression. Oui, alors tu le dis à plusieurs, tu vas même plus loin en fait dans le livre, et tu dis à plusieurs reprises, tu dis avant que la police arrive, il n'y a pas de violence. Ou alors, au point de départ, il ne se passe rien. Oui. C'est-à-dire, et ensuite, il y a ce qu'on appelle les violences policières. Oui. Mais est-ce que tu ne penses pas plutôt que c'est la société dans laquelle on vit, en fait, qui crée les conditions pour que les groupes sociaux dont on parle soient précisément hors la loi? Et que du coup, ensuite, la police, de façon assez naturelle, en fait, vient sanctionner un État hors la loi, mais qui a été créé par des conditions qu'on construit, culturelles. Alors, c'est très compliqué, la question du rapport de la police aux illégalismes. C'est une très bonne question. D'abord, parce qu'effectivement, comme tu le dis, très souvent, la police est peut-être l'un des corps où il y a une différence énorme entre la manière dont on se représente son activité et la réalité. Dès que tu parles de la police à quelqu'un qui va dire pourquoi il faut de la police, la personne va te répondre mais parce que s'il y a une agression, je suis content d'être protégé, qu'un policier surgisse et me sauve d'une agression homophobe, antisémite, raciste, de domination masculine, etc., etc. Puis concrètement, tu demandes est-ce que ça t'est déjà arrivé, un policier qui surgit pour te protéger d'un cambriolage ou d'une agression, personne ne peut jamais ni le dire pour soi, ni connaître quelqu'un qui pourrait le dire pour soi. Et donc, en fait, la police, elle fait jamais ça. Et ce que je dis dans le livre en plus, c'est que toutes les statistiques sur le contrôle d'identité, sur la patrouille, montrent qu'il n'y a aucun rapport entre la diminution de la délinquance et l'activité policière ordinaire. Ça veut dire que la police n'est pas du tout le corps qu'on croit qu'il est. Et effectivement, dans les quartiers populaires, le problème n'est pas souvent d'interrompre un illégalisme ou d'arrêter quelqu'un, c'est de créer un cycle de violence par le contrôle d'identité, par la fouille, par la patrouille, où c'est la police qui crée un cycle. Elle ne vient pas interrompre une violence qui est en cours. Effectivement, s'il y a une agression et qu'un policier surgit, moi je suis pour, il n'y a aucun problème. Mais si jamais il ne se passe rien et que la police arrive, la vidéo de ce qui a abouti à la mutilation de Théo le montre très bien, ils sont là, ils sont en bas de chez eux, tout d'un coup la BST arrive et ça devient une bataille, des fouilles, une torture, et maintenant un acte quasi de torture, et maintenant Théo qui est mutilé à vie avec une poche artificielle parce qu'on lui a perforé l'anus. Donc déjà la police n'a pas produit plus des illégalismes qu'elle ne les constate. Et d'autre part, sur la question, est-ce qu'on peut dire, par exemple, la société produit des gens qui sont dans l'illégalisme, et donc la police vient les attraper ? Moi, je dis ça maintenant, je pense que c'est vrai et faux, parce que je pense que, d'une part, l'action de la drogue le montre très bien que c'est faux, c'est-à-dire qu'au fond, aux États-Unis ou en France, en termes de trafic, en termes de consommation, on considère que c'est à peu près équivalent pour les Blancs que pour les Noirs, notamment parce qu'aux États-Unis, par exemple, le marché de la drogue est ségrégué comme le marché de l'achat et de la vente, c'est-à-dire que les Blancs achètent entre eux et les Noirs achètent entre eux, et on constate une surcriminalisation des Noirs extrême, c'est-à-dire il y a 50 fois plus de Noirs en prison pour la drogue que des Blancs aux États-Unis pour des consommations et des trafics à peu près égaux. C'est à peu près la même chose en France, pas en termes de proportion, mais en termes de ciblage, ce qui veut dire que à illégalisme égal, pratique policière d'attrapage est différente. Donc il y a un ciblage policier même à ce moment-là, à illégalisme égal. Et puis, même plus fondamentalement, moi je crois que la vérité, c'est que nous sommes tous dans l'illégalité. C'est-à-dire en fait, toutes les vies sont dans l'illégalité. Toi, moi, si on est honnête, si on regarde toute sa vie depuis 15 ans, on a tous fait des choses illégales, que ce soit sur les impôts, que ce soit sur la sexualité, que ce soit des agressions. Il est interdit d'insulter quelqu'un, on a tous insulté quelqu'un, on a tous piraté un film. Enfin, je veux dire, je crois que tout le monde peut dire qu'il vit dans une zone d'illégalité. Les grandes banques passent leur temps dans l'illégalité. Donc en fait, tout le monde est dans l'illégalité. Et donc la question, c'est qu'est-ce que la police se donne comme illégalité à réprimer ou à sanctionner? Et on sait qu'il y a eu des révélations récentes, donc un canard enchaîné sur la diminution du nombre de policiers à la brigade financière. Je crois qu'ils sont genre 3, mm-hmm. Mais je crois que c'est hallucinant, mais c'est vrai, quoi. Bon, je ne sais pas combien ils sont en Seine-Saint-Denis. Bon, bah, si tu mets autant de policiers en Seine-Saint-Denis que dans les grandes banques de la Défense, j'imagine que tu vas aboutir à une sélection d'illégalisme très différent, des gens très très différents en prison et un ordre social très très différent. Donc en fait, ma théorie à moi, c'est que la loi est un donné, et ensuite les illégalismes étant infinis, la police sélectionne les groupes, les types de délits qu'elle veut maximiser pour abattre des groupes sociaux. Et que parmi ces groupes-là, il y a aujourd'hui les jeunes garçons des quartiers populaires. Alors, c'est justement au nom de tout ce que tu viens de dire que tu es contre l'emploi du mot « violence policière », enfin du concept de violence policière. Parce que, en fait, tu considères que la police pourrait ne pas être violente, ce que tu dis être faux, et que d'autre part, ça pourrait être en dehors du cadre de la loi, alors que le plus souvent, en fait, ça l'est. Du coup, on fait comment? Comment on appelle ça? Ben, pour moi, c'est l'un des chapitres, pour moi, un peu centraux du livre, enfin de ma partie à moi, où je réfléchis sur la catégorie de violence policière, qu'on utilise beaucoup, beaucoup, et il faut toujours se méfier dans le monde, très souvent, des moments, ce qui nous est présenté comme critique, c'est très souvent la manière dont un système est en train de se régénérer et est en train de fonctionner en fait. Et le rôle souvent du savant, de l'intellectuel, c'est d'interrompre les catégories spontanées pour nous permettre de prendre un peu de distance par rapport au langage qui parfois nous emprisonne. La question de violence policière, pour moi, c'est une catégorie qui est extrêmement problématique parce qu'elle conduit à nous définir comme violent soit ce qui est illégal seulement, et donc on ne va plus définir comme violent une arrestation sur la route, une perquisition où un flic surgit à 6h du matin, casse une porte, met des menottes à quelqu'un tout nu, lui dit où est-ce que tu planques, je ne sais pas quoi, etc. On n'appelle ça jamais violence policière. Donc on va appeler violence policière seulement ce qui nous semble illégal, soit ce qui est particulièrement brutal, mais ça veut dire qu'on oublie que la police comme institution est par essence violente, c'est-à-dire c'est son rôle de pratiquer, d'avoir le monopole des moyens violents. Elle a le droit de taper, elle a le droit de mutiler, elle a le droit de tirer, elle a le droit d'attraper, elle a le droit d'ouvrir de force, etc. Et que c'est donc l'instance qui est, comment dire, définie par la violence. Ouais. Donc soit on dit « il n'y a pas de violence policière » parce que « police égale violence », soit on dit « il n'y a que des violences policières ». Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'on isole certains faits comme étant violents ? On vient de parler de Théo, de l'arrestation de Théo et de la mutilation de Théo. Voilà typiquement une scène qui est violente dans l'ensemble. S'il n'y avait pas eu la perforation de l'anus par une matraque, on n'aurait pas dit violence policière alors que toute la scène est violence. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va isoler seulement une petite zone ? Et moi je crois que en fait la catégorie de violence policière, ça veut dire qu'on a ratifié la manière, les manières dont la police s'est appropriée du pouvoir sur nos corps et sur nos vies, des techniques qui sont violentes par essence, perquisitionner, fouiller quelqu'un, le contrôler, l'arrêter, etc. Et qu'on est en train seulement de constater un moment où la police fait quelque chose en plus par rapport à ce qu'elle était autorisée ou ce qu'on acceptait qu'elle faisait, et on est en train de débattre sur ce quelque chose en plus. Et c'est pour ça que moi je substitue à la catégorie de violence policière la catégorie d'ordre policier, c'est-à-dire que la police est par essence violence, et c'est la question de l'ordre policier en général qu'il faut mettre en question. Alors ça me permet par exemple de critiquer, disons de prendre une distance avec ce que fait David Dufresne sur les gilets jaunes depuis quelques mois, même si c'est un travail, c'est admirable, il fallait que quelqu'un le fasse, il l'a fait, il y a mis un temps fou, et ça a permis de montrer effectivement des stratégies politiques de terroriser les manifestants pour les faire rentrer chez eux, ça je pense que c'est incontestable et il l'a montré, mais en même temps, l'enthousiasme qu'il y a eu autour de son travail, même dans les journaux mainstream, moi m'inquiète. Et m'inquiète pourquoi ? Parce que je me dis effectivement, David Dufresne, il va jamais montrer un contrôle au faciès, par exemple, à Le Place Beauvau. Il va jamais montrer une perquisition chez un dealer. Il va jamais montrer une garde à vue. Il va jamais montrer un interrogatoire. Il va jamais montrer une cellule, etc. Il va jamais montrer une fouille. Donc ça veut dire que, en fait, la manière dont il découpe ce qui est violent, donc un flashball, un bleu, une blessure, une mutilation, et ce qui est violent, effectivement, en fait, participe. De fait, c'est ça qu'il faut regarder comme violent, et donc d'une déviolentisation, d'une déscandalisation des pratiques que la police a conquises sur nos corps depuis 30 ans. Et donc, d'une certaine manière, ce travail-là, il est un peu complice de l'ordre policier. C'est-à-dire qu'il dit, quand vous alliez jusque à ça, ça va. C'était convenable. Et là, vous êtes en train de faire le petit truc en trop qu'on veut pas. Et donc, au lieu de faire ce que je crois être moi, d'appeler violent tout le reste, et donc de regagner du pouvoir sur l'ordre policier, il est en train de ratifier tout le reste. Tu vois, et seulement de présenter comme problématique la pointe la plus forte de l'action policière. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose dont il faut absolument se méfier d'un point de vue politique. Et quand tout un système s'enthousiasme pour ça, c'est qu'au fait, ça veut dire que la police est en train de gagner quelque chose, une bataille culturelle très importante, à travers même ce qui est ça apparaît comme sa dénonciation. Après, j'entends ce que tu dis, mais après, c'est parce qu'il est aussi concentré sur les manifestations des Gilets jaunes. Oui, mais la violence en manifestation, elle prend des formes multiples. Par exemple, il y a des matraques, des coups de matraque qui existent depuis très longtemps. Par exemple, l'une des choses qui a été posée, l'assignation à résidence, qui empêche les gens de manifester, est une pratique violente, est une pratique de contrainte des corps, qui n'est pas définie par ça comme violent, qui est fait par des juges et qui est particulièrement violent, et qui peut être parfois prononcée par le préfet, donc le chef de la police. Si jamais tu penses, par exemple, au contrôle de l'espace public qui a fait qu'on a fait des manifestations ridicules au moment de la loi travail, c'est-à-dire avec des chars, des CRS qui entourent, c'est des contraintes qui pèsent sur les corps, et de fait, ça, c'est pas dénoncé comme violent. Donc, en fait, le fait qu'il y a eu déjà plein de manières dont la police a contrôlé nos corps, nos manières de nous comporter dans l'espace public, à assigner des gens à résidence, à taper sur des gens, etc. C'est quelque chose qui, de fait, a pris de plus en plus de pouvoir. Et moi, montrer même la simple présence d'un flic dans une manifestation, j'appellerais ça Allô Place Beauvau. Je veux dire, pour moi, c'est aussi violent. Enfin, c'est pas aussi violent, mais ça fait partie du système de la police. Oui, mais alors, la principale différence, c'est qu'en fait, David Dufresne se positionne par rapport à la loi, alors que toi, tu te positionnes par rapport à quelque chose d'autre, enfin, genre par rapport à ta propre. C'est toi qui fixes la limite. Lui, il signale ça à Place Beauvau, c'est-à-dire au ministère de l'Intérieur. Donc il peut pas signaler quelque chose de légal. Là, il signale précisément que des choses illégales, mais au sens vraiment de la loi. Non, je suis pas sûr. Que ça soit illégal. Bah non, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, lui, il le considère comme illégal. J'allais même le dire autrement, on en parle beaucoup dans le livre, mais je pense que ce qui est très intéressant avec la police, c'est que la catégorie d'illégalité et de légalité est compliquée. Puisque très souvent, on constate ça, en l'occurrence, c'est la même chose dans les affaires en manifestation et dans les pratiques policières en quartier. Un suivisme des juges, des procureurs, des politiques par rapport à la police. C'est-à-dire qu'on est dans une situation souvent où le monde est renversé, c'est-à-dire où la police produit des actions et ensuite tout le corps, l'appareil d'État se met à le suivre pour dire c'était légitime, c'était normal. Ce qui veut dire que c'est très difficile de dire que la police est illégale parce que on peut le dire abstraitement, mais concrètement comment fonctionne l'ordre policier, la police aujourd'hui dans une situation où elle est créatrice de loi, c'est-à-dire où elle est capable de créer sa propre légalité, où elle est capable d'inventer elle-même des justifications en situation proportionnée, etc., pour fonder la légalité de son action, qui ensuite est ratifiée par la hiérarchie, par l'IGPN, par les juges et par les politiques, ce qui fait que, de fait, la police est créatrice de loi. Et c'est vrai que ça pose une question sur dans quel état on vit, parce que un état où la police crée la loi, c'est ce qu'on appelle en général un état policier. Et ça, enfin, l'enjeu, c'est quand on réfléchit sur la police, on voit qu'on n'a pas réussi à concilier idée de police et idée démocratique. Et ça, c'est l'un des enjeux très importants pour moi, c'est est-ce que la police est compatible avec la démocratie ? Ben, c'est pas du tout certain que dès qu'on crée. En gros, on pourrait dire ça, le dilemme, c'est ça, c'est que si on pense à un système législatif, effectivement, il faut qu'il soit appliqué. Donc, il doit y avoir quelque chose de l'ordre de la contrainte. Par exemple, moi, je suis pour les impôts, je suis pour la redistribution majeure, je suis pour la sécurité sociale. Il y a des gens qui ne veulent pas payer d'impôts. Donc, si je suis pour la contrainte fiscale, je suis d'une certaine manière un peu pour la police. C'est-à-dire, je sais qu'il y a la police qui peut arrêter des gens, qui peut contraindre des gens à payer des impôts, etc. Mais en même temps, donc, il n'y a pas de démocratie sans police. Mais dès que tu crées de la police, tu crées un corps qui échappe à la logique démocratique et que tu es en train de la détruire de l'intérieur. Et ça, c'est un des enjeux, à mon avis, importants en théorie politique. Et tu es aussi très critique de la rhétorique de la discrimination. Pas que de la police policière, mais de la discrimination. Parce que tu dis qu'il faudrait, par exemple, ne pas faire la critique du contrôle au faciès pour des raisons discriminatoires, parce que sinon, ce serait ratifié de facto qu'on pourrait appliquer le dispositif à tout le monde, ce que tu refuses. Oui. Mais alors, du coup, on fait quoi ? Alors, effectivement, c'est très intéressant, c'est que très souvent, l'idée de contrôle au faciès ou l'idée de discrimination dans les contrôles d'identité, donc, qui est réelle. C'est-à-dire que, par exemple, on sait qu'un noir ou un arabe a 80% de chances d'être contrôlé par la police par an, alors qu'un blanc, c'est 15-16%. Ça varie beaucoup en fonction de l'âge, de la tenue vestimentaire. En fait, il y avait des études de sociologues faites à la Gare du Nord et par le Défenseur des droits qui le montrent amplement. Mais si jamais on appelle ça contrôle au faciès, si jamais on appelle ça discrimination, alors, en fait, on produit un mode de critique qui est désarmé si la pratique était égalitaire. C'est-à-dire que si jamais les blancs et les noirs étaient contrôlés pareil, tout d'un coup, on n'aurait plus rien à dire. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas en train de critiquer le contrôle d'identité, mais seulement l'application différenciée du contrôle d'identité par les forces de police ou par les gendarmes. Et par conséquent, tout en critiquant, et on critique, on est en train de ratifier l'idée de contrôle d'identité. Moi, je crois qu'en démocratie, l'idée de contrôle d'identité est contradictoire avec l'idée démocratique. Si on croit à l'idée de police comme force qui est au service des gens, si on croit à l'idée d'État qui est à notre service, alors il n'y a aucune raison que la police et l'État puissent se donner un pouvoir sur soi quand on marche dans la rue, de dire qui tu es, pourquoi tu fais ça, comment tu t'appelles, de quel droit tu es là. Même s'il y a suspicion, s'il n'y a rien de grave qui se passe, enfin, je ne sais pas comment dire, mais il faut renverser. L'État a conquis un pouvoir sur nous de plus en plus fort en inversant la logique, en faisant comme si on lui devait quelque chose, alors que l'État, c'est une création de nous, c'est quelque chose qui doit être à notre service. Et donc l'idée de contrôle d'identité est en tant que telle quelque chose qui est contradictoire avec l'idée de police démocratique. Et donc il ne faut pas que la critique du contrôle au faciès nous fasse perdre du terrain sur la question du contrôle. Et c'est d'autant plus important, c'est que, en fait, le contrôle au faciès, quand on dit ça, on pense en termes de défaut. On se dit, en gros, c'est une application biaisée de ce que voudrait l'ordre républicain, en gros, qui voudrait que les gens soient contrôlés en fonction de leur délit, justement, comme tu dis, et pas en fonction de leur couleur, etc. Alors, en fait, si on dit ça, on présente comme un dysfonctionnement ce que moi je dis et ce que Asta dit avec moi, que c'est la fonction. C'est-à-dire que c'est pas un dysfonctionnement qu'on contrôle plus les Noirs que les Blancs. C'est la fonction du système de produire des rapports différents à l'espace public pour les Noirs, les Arabes et les Blancs. Et moi, je le dis même dans ma partie, je pense que Assadi, c'est le but, c'est de nous faire disparaître. En fait, le fantasme du pouvoir, c'est de faire disparaître les corps noirs de l'espace public. Et moi, je dis que la police, aujourd'hui, remplit une fonction de maintenir une forme de suprématie blanche sur l'espace public. Et donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le penser, et pas en termes de dysfonctionnement d'une norme républicaine. Alors j'ai une dernière question, Geoffroy. T'écris que le combat pour Adama, c'est un combat qui est éminemment local, et que c'est au nom de cette singularité locale qu'il en devient un combat éminemment politique. Mais qu'est-ce qui te fait peur dans un combat plus général d'ailleurs aussi. Justement, je pense que le local est plus généreux parce que c'est plus accueillant. En fait, je crois que le général, c'est un, c'est une catégorie abstraite. Le général, c'est-à-dire que moi je l'ai vu beaucoup, me mobilisant beaucoup ces derniers temps, dans beaucoup de réunions publiques, de discussions avec des militants, des intellectuels, on croit que gagner en puissance, c'est monter en généralité. Et au lieu de partir de la mort d'Adama Traoré, on va partir état colonial, état libéral sécuritaire, état autoritaire, etc. Construire des grandes abstractions comme ça, et on va dire les postiers, les cheminots, les quartiers populaires, on est tous ensemble contre cet état, etc. On pense qu'on est général. En fait, on n'est pas général quand on est ça. On est abstrait. C'est-à-dire qu'on construit sa lutte en référence à un ennemi abstrait, inatteignable, fictif. Et on croit se donner de la grandeur quand en fait on est en train de se détruire comme mouvement social. Donc moi c'est pour ça que avec Assa d'ailleurs on réfléchit beaucoup sur la question du mouvement social, de l'idée de convergence des luttes, comment est-ce qu'on construit un mouvement. Elle propose la notion d'alliance entre les types de mouvements, ce qu'elle a beaucoup pensé ces derniers temps. Et effectivement moi je pense qu'un mouvement social il est fort quand il est local, c'est-à-dire quand il va chercher les systèmes de pouvoir qui sont imbriqués dans une situation concrète, ce que j'appelle moi une synthèse pratique. Je pense que la mort d'Adama Traoré, c'est un lieu de la politique contemporaine. C'est-à-dire c'est un lieu à partir duquel il faut penser la question de la police, la question du soin, la question du corps noir, la question de l'espace public, la question de la masculinité, la question de la justice, qu'il y a un foyer là et que en fait plus... Mais tout ça c'est des généralités. En fait non, c'est pas des généralités, c'est des systèmes de pouvoir locaux, des systèmes de pouvoir spécifiques qui sont relativement indépendants d'autres systèmes de pouvoir. Quand Assa dit qu'elle s'allie avec d'autres luttes, elle veut bien dire que, par exemple, la lutte d'Adama et la lutte des postiers, c'est pas la même. On va pas faire croire qu'on a le même gros état autoritaire, libéral sécuritaire, qui abattrait les postiers et les noirs dans les quartiers. C'est pas vrai, c'est des logiques différentes. Et que si on fait ça, on perd sur les deux tableaux parce qu'on sait plus contre quoi lutter, on sait pas quoi demander, on sait plus quels sont nos ennemis. Alors qu'à l'inverse, si jamais tu singularises, eh ben, tu peux produire des demandes de réforme, tu peux produire des mobilisations sur des axes précis. Et moi, je pense qu'on a on a toujours l'impression que pour se mobiliser politiquement, il faudrait que les gens sentent que c'est aussi leur cause. Donc on croit qu'il faudrait dire qu'on est tous dans le même état, ou face au même ennemi, parce qu'en gros, si vous luttez avec nous, vous luttez aussi pour vous. Ben moi, je crois qu'en fait, on est beaucoup plus honnête si on va lutter pour les autres, et si on lutte sur des principes de différence, et que, le local, c'est une manière beaucoup plus honnête de parler de la manière dont le pouvoir fonctionne, les systèmes de pouvoir à abattre. C'est une manière de reconstruire un langage aussi pour le mouvement social qui sort des abstractions un peu stérilisantes des gros appareils politiques. Et je pense que Assa Traoré, le comité Adama sont un lieu aujourd'hui où se réinvente un langage politique parce que précisément ils partent d'une situation concrète, d'un lieu, ils partent de lieux pour penser la politique, et ils ne partent pas de grosses catégories comme le marxisme, l'antiracisme, etc. Et que ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et à partir de là, alors on crée quelque chose que je comprends, ce que tu veux dire, qu'il y a forcément des systèmes un peu plus grands, que tout se passe pas à Beaumont, qu'il y a des choses plus grandes. Et... Oui, ça n'empêche pas de faire une loi, de partir d'un combat local pour aboutir sur une loi nationale. Absolument. Donc c'est des systèmes de pouvoir qui sont spécifiques et que moi je pense qu'il faut les penser comme transposables. C'est-à-dire en fait, c'est des systèmes de pouvoir qui sont spécifiques et qui se transposent de lieu à lieu et que c'est comme ça qu'il faut les penser, les identifier et les abattre. Merci beaucoup, Jean-François Pablo. Plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, des genêts de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. ma France. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Osez, si vous le permettez, de vous dire tout de même quelques mots avant. Remarquez, je connais bien entendu tout ça par cœur, mais pour vérifier que ma mémoire est exacte, j'ai tout écrit. Voilà. Mesdames, messieurs, en général, ma sœur. Dans une réunion comme la nôtre aujourd'hui, je pense que ce ne sont pas les questions du baccalauréat, de la pêche à la morue ou du tout à l'égout dans l'habitat rural qu'il y a lieu de traiter. Hier soir, à l'Élysée-Matignon, Pierre Dac présentait son nouveau mouvement, le mou. Qu'est-ce que le mou? Oui, mou, ça veut dire mouvement ondulatoire unifié. Oui. Évidemment, ça peut donner une impression de mollesse, ce qui n'est pas le cas du tout. Oui. Au contraire, justement, de ce que les sceptiques pourront penser, ce n'est pas un mouvement d'abandon, de veulerie, ni de lâcheté, pas le moins du monde. Et vous savez que nous vivons dans une époque extrêmement surexcitée, énervée, etc., et extrêmement hyper tendue. Alors, elle est tellement tendue que nous avons pensé qu'il était bon de donner du mou à cette tension et de rétablir un équilibre, en quelque sorte. Le mou, donc, mouvement ondulatoire universel. Et ondulatoire signifie que ça peut suivre les fluctuations de l'actualité et les événements. Notre mouvement est donc consacré à apporter un élément de détente, tant à l'intérieur, tant social qu'international. RTL Matin, Thomas Hugues. Sur RTL, l'heure de l'invité politique. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Bienvenue, vous êtes député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Vous étiez très attentif à la chronique écho d'Éric Vanier à l'instant, cette hausse du prix du timbre. Je rappelle les chiffres, 12% de hausse l'an dernier, 10% cette année et donc encore 10% l'année prochaine. Ça vous choque ? Alors merci déjà de la chronique, parce que c'est un sujet, vaguement, je savais qu'il y avait des critères de plus en plus de rentabilité, finalement c'est ça, qui sont appliqués à ce qui aujourd'hui n'est plus vraiment un service public, mais qui le reste quand même dans l'esprit. On sait bien qu'il y a de plus en plus une situation d'évolution de ce qu'était PTT aujourd'hui La Poste, bon, que je regrette, qui a amené d'ailleurs à ce que beaucoup, je pense à tous ces facteurs, ces personnels de La Poste qui sont souvent mobilisés contre le nouveau rythme qu'on leur a imposé. Hein, on sait, j'ai en mémoire ces syndicalistes d'ailleurs, qui ont été réprimés, je trouve, dans des conditions qui sont pas acceptables, parce qu'ils défendait une certaine conception. J'ai envie de dire, au-delà de tout ce qu'on peut penser des modèles économiques, le bureau de poste, ça reste bien souvent, que ce soit en milieu très urbain ou en milieu rural et semi-rural, un endroit très important. Oui, et c'est perçu par un comme un service public par beaucoup de nos auditeurs. Est-ce que ça vous choque ça choque, d'autant qu'après il faut l'ajouter à l'augmentation du prix du gaz, il faut l'ajouter à l'augmentation du prix d'électricité, toute une série de choses qui étaient ces grands fondamentaux en France de services publics qui progressivement leur capital ont été ouverts. Enfin, chaque fois la situation est un peu différente. On a dit que ça allait aller mieux, on a dit qu'on allait s'y retrouver, on a dit que la compétitivité allait du bon. Et puis tout augmente, alors que bien souvent les salaires évidemment n'augmentent pas de la même façon. Mais est-ce qu'il y a le choix? Est-ce que finalement on n'a pas d'autre option que de d'adapter ces services publics au marché? Les adapter à la situation. Déjà, ils rendent un service public, donc on peut accepter l'idée qu'il y a certaines sphères de l'activité économique qui ne doivent pas être directement bousculées, comme d'autres secteurs, avec les règles du marché. Voilà. Feriez quoi de différent si vous étiez aux manettes? Par exemple, il s'agit d'avoir une intervention publique plus importante, mais après, ça conditionne évidemment que, du point de vue de la fiscalité, on revoit toute une série de choses aujourd'hui. Là, je dérive un peu, mais on voit bien qu'il y a des choix qui ont été faits économiques, qui consistent à dire qu'il faut baisser toutes les cotisations des entreprises. Je pense à ce qu'on avait appelé le CICE, ça a changé un peu de nom, qui fait que c'était 20 milliards une année de recettes en moins pour l'État, 40 milliards même l'année dernière, on a dit, vous allez voir, ça va avoir un effet. Progressivement, on déshabille l'État, on l'amène à s'interroger à ce qu'on va supprimer le nombre de fonctionnaires. Bon, on réduit chaque fois ce qui est le périmètre de l'État, et l'État est l'outil, et le service public, d'une redistribution, et de la possibilité que la République soit pas seulement un mot inscrit, mais que certaines activités, je le répète, le prix de l'électricité, le fait qu'on puisse communiquer, tout ça n'est pas uniquement soumis à une sphère marchande. D'accord? Alors à partir de là, dans le détail, ça répond peut-être pas à votre question, mais c'est un autre état d'esprit qui consiste à dire, non, tout ça c'est du baratin, tout marché, il faut uniquement appliquer le prix parce que finalement, quel que soit le prix, eh bien, il y aura ceux qui finalement se le payeront pas et puis ceux qui se le paieront, ce qui n'est pas mon modèle. Mais mon raisonnement s'applique aussi à l'hôpital, s'applique à l'école, etc. Alors justement, Alexis Corbière, la question quand on est chef de l'État ou chef de gouvernement, c'est une question d'arbitrage où on décide de placer de l'argent, d'investir de l'argent. On est en phase caniculaire, on sort de cette phase. Merci de... seconde, vous l'avez vécu comme tout le monde. Parce que c'est le sujet. Seconde canicule en moins d'un mois, et on se rend compte que finalement nos infrastructures sont peut-être pas forcément adaptées. Hier, on avait le patron des urgences de l'hôpital Pompidou. À Pompidou, ça va, il y a des salles climatisées, mais il y a énormément d'hôpitaux qui sont absolument pas adaptés. On pourrait parler de la SNCF. On a Thalys, là, le réseau Thalys qui ne vend plus de billets aujourd'hui parce que avec cette chaleur, c'est trop compliqué de faire circuler les trains, et donc ils sont obligés de limiter la circulation. Qu'est-ce que vous feriez en termes d'investissement, par exemple? Est-ce qu'il faut investir énormément d'argent dans les hôpitaux pour les adapter? Déjà, il faut tout bouleverser, il faut une transition écologique réelle. Il faut végétaliser, par exemple, aller vers une végétalisation des toits dans les grandes agglomérations. Tout, chaque fois qu'on coupe un arbre, on voit bien les conséquences que ça a. Les arbres participent à la fraîcheur, etc., etc. Mais fondamentalement, que les choses soient claires, bien sûr qu'il y a toujours eu des canicules dans l'histoire du climat et l'histoire de l'humanité. Mais là, on est rentré dans une période où il y a une accélération des canicules. Oui. Elles ont lieu de plus en plus régulièrement et elles sont de plus en plus fortes. C'est ça le fond du sujet. Mais tout donc ça veut dire qu'il faut changer de logique économique. Exactement. Tout ça, c'est pas dû au fait que, écoutez, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est que tout le monde s'accorde à dire que nous sommes entrés aujourd'hui dans l'ère de l'anthropocène, c'est-à-dire que l'activité humaine modifie le climat. D'accord, Alexis Corbière, mais comment on fait pour s'adapter sans taper au portefeuille et uniquement au portefeuille? Si on est tous d'accord sur le fait que notre modèle économique participe au réchauffement de la planète, eh bien, on ne vote pas, par exemple, comme on a fait il y a deux jours, un traité de libre-échange nommé CETA, avec le Canada. Ouais. Il y a d'autres traités derrière. Si on fait ça, et en même temps, on reçoit cette jeune fille qui s'appelle Greta Thunberg, qui n'est qu'un symbole, mais qui porte la voix, elle a 16 ans, bon, et qui, on peut pas l'applaudir et dire, elle a raison, il y a l'urgence. Écoutez tous ces scientifiques qui nous disent que d'ici 11 ans, si on divise pas par deux l'émission de gaz à effet de serre, c'est irrémédiable. On peut pas dire ça. Et en même temps, avoir un traité de libre-échange dont même les études, monsieur Schubert, nommé par le président Macron, a considéré que ce traité, le grand oublié, c'est le climat. Et après, dire aux gens, buvez de l'eau fraîche. Oui, ça très bien. Merci de nous le dire. Après, ne même pas, donc, par exemple. Vous dites ça pour qui? Pour les députés de la République En Marche qui ont applaudi Greta Thunberg le midi et qui ont voté le CETA l'après-midi. Madame Brune Poirson était au premier rang face à Greta Thunberg. Elle dit merci, vous nous donnez de l'espoir. Et en même temps, l'après-midi. D'accord. Non, ce que je veux dire, vous c'est que. Vous n'avez pas voté ce traité, évidemment, très clairement. J'ai voté contre. Et même des députés En Marche, beaucoup ont voté contre ou se sont abstenus, qui montrent que même au sein du gouvernement. Mais pourquoi au sein vous de votez cette majorité, contre ce traité? Ça supprime les droits de douane pour 98% des produits en échange avec le Canada. Parce que ça participe au grand grand déménagement de la planète, à la circulation de ces marchandises qui pourraient être produites sur le territoire national. Faut aujourd'hui relocaliser l'économie, faire des circuits courts, et que ce grand déménagement de la planète participe à ce que je disais tout à l'heure, à cette émission de gaz à effet de serre qui participe au réchauffement. C'est de l'activité humaine, c'est ce que j'appelle par ce mot l'anthropocène. Ça n'est pas pour rien. Écoutez, qu'est-ce que nous disent les scientifiques? Le réchauffement de la planète amène à ce que vous avez une fonte de la calotte glaciaire qui modifie ce qu'on appelle le jet stream, qui est un courant qui passait, qui est régulé. Cette modification, pour aller vite, participe pour jouer à ce réchauffement. Si on sait ça aujourd'hui, ça veut pas dire qu'on va claquer des doigts et dès demain on va régler le problème. Mais on se dit, on prend les mesures. Moi, je suis en plus, mon épouse, elle est française, chilienne et canadienne, d'accord. J'ai des enfants qui sont franco-canadiens, donc le Canada est un magnifique pays. On va continuer à commercer avec eux. Mais là, l'idée, c'est de baisser toute pour faire entrer du bœuf. En plus, notre filière bovine s'interroge, etc., etc. Donc mon problème n'est pas de s'enfermer, mais de dire, les amis, on calme tout ça. Parce que ça participe au dérèglement de la planète. Si à partir de là, je répète, la seule réponse du gouvernement, c'est faire que les ministres passent leur journée d'hier à distribuer des gourdes d'eau fraîche, c'est sympa. Merci. Bon, mais c'est pas ça qu'on leur demande. Ils ont pris la canicule au niveau auquel il fallait. Non, mais ils ont été choqués par le syndrome Mattei 2003 parce que le type en polo venait dire il y a pas de problème, alors qu'il y a des 20 000 morts. Oui. Mais au-delà de la communication, le problème, c'est face à la chaleur, c'est pas le grand show qu'on leur demande. C'est SHOW. C'est des actions qui limitent ça. Et je le répète, bande d'hypocrites, j'ai envie de dire, votre gourde d'eau fraîche est peu par rapport au traité de libre-échange et aux mesures économiques qui ne rompent pas avec ce système. Et vous mettez la planète en danger. Alors c'est pas que Monsieur Macron. C'est pas que ce gouvernement, mais il ne tranche pas, il ne mène pas une rupture pour aller vers la transition écologique. Et c'est elle qui évitera ces canicules qui sont dangereuses et qui bousillent le climat à un point irrémédiable. Corbière, mercredi, c'était le dernier Conseil des ministres. Quel bilan vous faites de cette année politique, notamment pour Jean-Luc Mélenchon, votre chef de file chez la France Insoumise? Il est en vacances au Mexique, il se ressource, dit-il. Mauvaise année pour Mélenchon. Alors, vacances, il fait une série de conférences, il a été reçu par le président mexicain. Mais dit lui-même, je vais me ressourcer. Oui, mais il a visité le mur notamment, enfin visiter, vu cette catastrophe du mur mis par Donald Trump. Bon, il fait de la politique et vous savez bien. Bon, mais après, il a le droit de prendre des vacances aussi. Oui, mais pour l'instant il est plutôt au boulot. Ouais. Mais enfin, c'est lui-même qui dit je me ressource. Mauvaise année pour lui, c'était ça la question. Non, mais après, je veux dire, on va être honnête, bien sûr, c'est une année, notamment le résultat électoral aux européennes n'est pas à la hauteur de ce que nous attendions. À la fois c'est décevant pour nous, mais finalement ça c'est peu de choses, c'est notre affaire. Mais c'est surtout qu'en termes de résistance politique par rapport à ce gouvernement, on voit bien qu'il y a un rouleau compresseur de mesures qui sont prises, qui aujourd'hui créer souvent de l'abstention, et nous ne sommes pas l'outil aujourd'hui aux yeux de millions de gens qui a été saisi à l'occasion de cette élection pour résister face à ce gouvernement. Bon, très bien, il faut en tirer des leçons, on va se reformater, discuter, etc. Je veux dire, le problème c'est pas nous, le problème c'est comment on évite quand même, à ce que... parce que ces élections européennes, elles arrivent après six mois de crise de gilets jaunes, vous êtes passé à côté de cette crise des gilets jaunes. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a deux mouvements, il y a un mouvement dans la société qui n'est pas à la résignation, c'est ce que nous disent les gilets jaunes, mais qui prend la forme de gens qui se mobilisent en disant on veut plus des partis, on veut plus des syndicats, mais on est prêt à se mobiliser. Ça, c'est bien. On n'a pas un peuple résigné. Oui, enfin, ils ont plus voté Rassemblement National que la France Insoumise. Abstenus. Non, mais ne participez pas à ça, parce que quand vous dites ça, c'est ça, c'est réalité. Pas vrai. C'est l'analyse du scrutin. Pour l'essentiel, les Gilets jaunes sont souvent très abstenus. D'accord? Et la part qui est venue voter, il y en a une part qui a voté Front National, il y en a aussi une part significative qui a voté France Insoumise. Mais c'est pas, et donc, là où je dis, c'est que ne participons pas nous-mêmes à faire tout le temps des cadeaux au Front National, à dire les ouvriers votent Front National. Non, majoritairement, ils s'abstiennent. Les Gilets jaunes votent Front National. Non, ça n'est pas vrai. D'accord? Bah, plus que la France Insoumise, en tout cas. On va pas batailler pendant des heures sur les chiffres. Franchement, c'est pas exact, mais c'est pas le problème. C'est pas le problème. La question, c'est comment aujourd'hui on est une force utile à une résistance et puis même à gagner des conquêtes nouvelles. Je prends l'exemple des retraites, parce qu'après tout, on s'en fiche de la France insoumise. Le sujet des retraites qui vient est une offensive contre nos droits. Ce que nous dit le gouvernement, c'est qu'il va falloir travailler plus longtemps pour avoir droit à une retraite qui ne sera pas améliorée, voire même qui sera en régression. Globalement, on va travailler au moins jusqu'à 64 ans. Est-ce qu'il y a le choix? Le vieillissement de la population, la pyramide des âges, est-ce qu'il y a le choix? Il y a le choix dans un pays qui est riche. La question, c'est qu'il faut voir comment on organise une autre assiette de cotisation éventuellement pour qu'on ait droit à des retraites. Aujourd'hui, il y a une accumulation de richesses qui n'est sans précédent sur une minorité. Si on modifie pas le système, mais par ailleurs, même au-delà, est-ce que vous trouvez... Je tiens à dire des petites choses, par exemple, la moyenne d'âge en bonne santé, c'est 63,6 ans aujourd'hui en France. D'ailleurs, ça recule. Et particulièrement chez les hommes, c'est 62,5 si je dis pas de sottises. D'accord? À partir de là, un Français sur deux, au-dessus de 62,5 ans, il est en mauvaise santé. Le système Jean-Paul Delevoye, soutenu par le gouvernement, fait qu'on partira à la retraite sans qu'on subira une décote à 64 ans. C'est-à-dire que la moitié des gens qui vont partir à la retraite vont partir à la retraite déglingués. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut? Donc, ou est-ce qu'on réfléchit Alexis à notre Corbière, vous donnez rendez-vous à la rentrée, il y a des, ben, des journées d'action syndicale, sauf que les syndicats, ils vont en ordre dispersé. ok, je suis pas dirigeant syndical. Moi, je dis le travail qui est le mien et je vous remercie de nous donner la parole. C'est d'expliquer aux Français, ils sont en train de vous embobiner. Ouais. Danger, je tire la sonnette d'alarme. Mmh. On va travailler au moins pour avoir droit à une retraite complète jusqu'à 64 ans, ce qui est en recul. Moi, je suis favorable à la retraite à 60 ans. Il est absurde de garder les vieux sur le marché du travail si on va faire rentrer des jeunes. De plus, on sait très bien que le nombre de gens qui subissent des licenciements après 50 ans, les carrières cassées, alors que jusque-là, c'était sur 25 ans des meilleures années de cotisation, là, c'est sur toute votre carrière. Vous allez vous faire prendre les poches et je termine sur le système avec un système de retraite à point où vous ne connaîtrez pas le montant de votre retraite au moment où vous, avant de partir en retraite, ça dépend de votre classe d'âge. Donc, c'est une arnaque. Et en plus, arnaque, même Jean-Paul Delevoyer a donné des faux chiffres. Il bidonne, même quand vous avez suivi ce scandale. Le journaliste, le Parisien l'a relevé. Mmh. Il a montré des tableaux dans lesquels il bidonne. Donc, ce sont des menteurs. Ils veulent faire les poches. Les amis, passez de bonnes vacances au mois d'août. Au mois de septembre, il faudra défendre les retraites. Dernier mot. La difficulté pour vous, c'est que la rentrée, elle va être marquée par ce procès devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Jean-Luc Mélenchon, vous-même aussi, Alexis Corbière, convoqué donc pour répondre des actes qui avaient eu lieu lors de, vous en souvenez, de cette perquisition au siège du parti 16 octobre 19 2008. Et 20 septembre. Voilà. Et donc, ça va marquer l'actualité de la rentrée. Acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation. Vous regrettez ce qui s'est passé ce jour-là ? Oui, ça c'est sûr, faut toujours regretter ce qui s'est passé. Écoutez, il y aura un procès, comme dirait l'autre, les arguments, on va les donner à cette occasion. On se défile pas, personne fait jouer l'immunité parlementaire. On va aller, on va présenter nos arguments. Mais donc vous regrettez votre attitude ? Mais je veux dire, comme je pense qu'il y a eu un acharnement, une disproportion qui a eu lieu, 110 personnes mobilisées, 15 personnes, 15 points de perquisition. Je vais vous dire, il y a un nombre de scandale qu'il n'y a pas un tel dispositif policier. D'accord? Hein, quand c'est la France insoumise, on a pris l'officier. Mais vous répondez pas à ma question. Non, mais vous, si j'y ai répondu. Ouais. C'est-à-dire que je regrette le tout, la disproportion et l'acharnement qu'il y avait contre nous. Je regrette, par exemple, que quand il s'agit de monsieur Benalla, on vient frapper chez lui et les policiers, il n'y a pas les clés quand on revient. Quand c'est nous, non mais moi ma réaction je l'ai déjà dit. Il faut par exemple moi il y a un policier devant moi qui a fait tomber un militant. J'ai dit on ne touche pas les militants. Mmh. Je pense que c'était brutal. Mais je vais vous dire vous allez me réinviter moi ou un autre. Vous verrez à cette occasion de son procès, y compris moi, j'ai vu pour la première fois, ça fait 3 semaines ou 1 mois que la presse avait dit que j'étais convoqué, je n'avais pas eu de convocation. Ça fait quelques jours que je l'ai récupéré. Les raisons, les choses qui me sont reprochées sont quasiment un gag me concernant. Mais on en reparlera au mois de septembre, d'accord ? Allez. Mais enfin bon, rendez-vous au mois de septembre, mais pour défendre les retraites. Pour ce qui est de la France insoumise, vous savez, c'est une question secondaire. Bon été à tous, et je rappelle quand même que... Dernier mot. Ouais, un enfant sur trois part en vacances, actuellement. D'accord, faut penser à eux, il y a des communes qui mettent en place des dispositifs, donc c'est pas les vacances pour tout le monde, pensons aux plus démunis. Allez. Merci. Que ça change et que ça bouge.